Ciao. Et c'est fini là déjà là, pour ce soir. C'est encore passé super vite. Hein. Ah ouais, tous les soirs ça passe hyper vite à la vitesse de la lumière, j'ai envie de dire. Incroyable. Vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de Love in Fun 01 42 48 5000. Laissez vos messages sur Facebook, sur Twitter. Dès demain on réécoutera encore un répondeur. J'adore le répondeur. Ah oui. Vous laissez plein de messages là tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission. À écouter toute la soirée Fun Radio, puisqu'il y a Mickaël aussi tous les soirs à 23h. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Salut. En forme? Excellent. Un très très bon week-end. Un peu court. Il y a eu du soleil chez toi? Putain, mais sans déconner, mais chez moi il y a eu soleil, mais ouais. Ah oui, en fait c'est pour ça qu'il est surpris, c'est tellement ça n'arrive jamais. C'est ça. Putain, c'est quoi ce truc là? Il y a une boule de feu. Allumer la lumière. Je comprends pas. Une boule de feu dans le ciel. Allez bien vous faire enculer. Oh, mais on embrasse les Normands. Ah ouais, non mais attends, il faisait super beau dans toute la France là, de toute façon. Évidemment, évidemment, bien sûr. Et les champs ont été labourés ou pas? Est-ce qu'il a fait beau en Belgique? Mais alors évidemment, totalement, totalement, totalement. Voilà, la Normandie est avec nous. Merci. Donc, j'ai bien compris, c'est ma soirée, c'est mon passage d'antenne. Voilà. C'est ça ce soir. Voilà, c'est ça. C'est un peu notre récréation. Et bah, avec plaisir, je prends comme vous voulez, pas de problème. Et bien, bonne émission. À demain. À demain. Merci beaucoup. Salut. À demain à partir de 20h. Et puis nous, on démarre. C'est parti. Jusqu'à 2h du matin. Ciao tout le monde. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup? Vous avez raté ça. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Jean-Fabien. J'ai entendu, j'en sais rien. Alors, c'est Jean-Fabien ou j'en sais rien? Bon, comment tu t'appelles? Jean-Samuel. Ah, Jean-Samuel, c'est encore pire. Jean-Samuel, parfait. Tu nous appelais pourquoi, toi, Clément? En fait, j'étais à la pêche, et puis d'un coup, ma chaise est assise, je tombe dans l'eau, et il y a des poissons qui commençaient à me manger la partie sensible. Qu'est-ce que c'était comme poisson? Bon, c'était une truite. Et la truite, elle est venue de bouffer. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exact, on est là bien sûr. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, on se croirait déjà en été. Ah oui, c'est vrai quand même, hein, ce petit retour là, des petites jupes, des décolletés, t'as fait pour que ça puisse vous donner de la tête. Qu'est-ce que je voulais. Ah, c'est quand même exceptionnel. Non mais c'est pas parce qu'il fait beau qu'on va vous abandonner. Hein. Nous on est là, vous rassurez-vous, on est là, il n'y a pas de problème. On n'est pas comme ça, on n'est pas là prêt à vous abandonner. Certes, je suis arrivé un petit peu plus tard aujourd'hui. Oui, on a bien vu que t'avais profité aussi. Hein. Bah écoute, je me suis dit que tant qu'à faire, fallait quand même pas déconner quoi. Bah non, mais t'as raison. Bah, c'est ça. Bon bref, en tout cas, on est là, comme tous les soirs, du lundi au jeudi de 23h à 2h, et le dimanche de 20h à minuit, pour que vous ayez enfin quelque chose à écouter de bien à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, 23h-2h, n'est-ce pas, Rémi qui est avec nous. Salut Rémi. Salut. Oh, t'es hindou toi Rémi là? Ouais. Ah, et toi t'es hindou de Chilou, t'as quel âge? J'ai 10 ans. Non, 10 ans. Mini-dou. Un mini-dou. Ça c'est bon ça. Je rappelle pour les auditeurs qui viennent de débarquer, donc Hindou est un auditeur de Fun qui n'a pas encore mué ou qui a moins de 15 ans. Là tu n'as pas mué et tu as largement moins de 15 ans. Ah oui. Donc tu es Hindou officiel. En quelle année es-tu né? En 2003. En 2003, c'est beau. Ah oui. Ah oh, j'adore. En 2003. Tu n'as même pas connu le bug de l'an 2000. Non, bah, non. Non mais c'est bien Rémi. Eh hey, Rémi, ta mère elle est au courant que tu passes à la radio là? Pas du tout. Ah, pas du tout. Bah, très bien. Bah, donc, si elle l'apprend, elle va gueuler. Justement, voilà, elle est dans la salle de bain, c'est juste à côté de ma chambre. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça que tu parles tout doucement comme ça, là? Oui, j'ai pas m'entendre. Ah, bah oui, imagine, elle va te mettre la misère si jamais elle t'entend, là. T'es un doux, tu fais ce que tu veux. En même temps, ouais, c'est quoi, ça, t'es un doux, t'en branles, hein, attends, c'est toi le patron, faut pas décoller. Hein. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, bonne nouvelle, hein. Bon, je rappelle que la fête des mères, c'est la semaine dernière en Belgique, mais en France, ce sera la semaine prochaine. Et donc, du coup, on a des coffrets à vous offrir, les Wonderbox I Love Maman, avec plein d'expériences à faire. Hein. Vous allez pouvoir aller un petit soin pour le spa, un petit cours de pâtisserie, une petite croisière sur un voilier, baptême en hélicoptère, bref, vous allez pouvoir offrir ce que vous voulez. Et pour ça, seul un doux pourra gagner ça, afin d'offrir ça à sa maman. Si vous êtes doux, donc vous avez moins de 15 ans, vous n'avez pas encore mué, n'hésitez pas à nous appeler, on vous prendra tout à l'heure. Et puis je dois impérativement parler à votre maman, bien entendu. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, toi Rémi, toi tu nous appelais parce que tu voulais devenir un doux officiel, c'est ça? Oui. Bon bah je te passe Polo alors. Allez, c'est parti. Comment t'appelles-tu? Rémi. Rémi, tu veux rentrer dans la grande confrérie des doux? Bah oui. Rejoindre cette grande armée, ne parle pas quand je parle, c'est moi le commandant. Rejoindre cette grande armée que sont les doux? Oui. Bon, Rémi, je vais pouvoir répondre à ta demande. Es-tu prêt, Rémi? Mets-toi à genoux. Oui. Ok. C'est bon ? Insulte-toi, jeune doux. Je suis une baltringue. Encore ? Encore ? Je suis une baltringue. Encore ? Je vais pas parler plus fort parce que ma mère est juste à côté. Non mais dis-le, non mais ne parle pas plus fort, mais dis-le. Ok, je suis une baltringue. Merci, bon. Jeune doux, est-ce que tu as ton téléphone dans la main ? Ouais. Frappe-le-toi sur la tête. Tape. Okay. Allez. Encore. Ah non, après ça va faire trop de coups, j'ai... Oh là, ils discutent. Bon, ils discutent, ils discutent. Oh, les pouvoirs qui me sont conférés, tu es officiellement un doux. Bravo. Eh ouais, ben voilà. Rémi, tu seras le doux qui parle sans raison. Ça va, hein. Le doux qui murmure. Qui murmure à l'oreille des gros cons. Voilà, c'est ça. Bon, bah, bienvenue dans la communauté, Rémi. Hein. Cool. Eh ben voilà, avec plaisir. J'espère que t'as prévenu tes potes que tu passais sur Fun et que tu es devenu doux officiel. Ça, c'est beau, ça. Attention. Mais en fait, je le sais que depuis 22h. Ah ben voilà. Eh ben écoute, ça te donnait le temps de... Eh ben, tu pourras le dire demain. Et c'est précis, c'est 22h18. 18, exactement. Pas 22h20, 22h18. Tu pourras le dire demain. Et attention, la liste est longue. Il y a beaucoup de doux qui m'envoient des messages. Ouais, j'attends pour devenir doux officiel. Eh ben oui, mais bon... Elle n'est pas d'où qui veut. Eh ben n'est pas d'où qui veut, faut un petit peu de temps aussi. Hein. Bon allez Rémi, tu veux écouter un son en particulier ce soir ou pas spécialement? Bah en fait non parce que. Ah bah tu vas dormir là? Bah oui, je commence à 9h déjà. Ah d'accord, bon ça va à 9h, l'autre il est 23h, ça devient dans 10h. Tu vas commencer avec quoi? T'as quoi comme cours à 9h? J'ai maths. T'as maths? Wow, ouais. Ça va aller. 2 plus 2? Concu. C'est quoi? Ton cul. Ton cul, d'accord, ok. Ben, réponse au prof demain, tu vas voir. On va voir qui va rigoler demain. Sale doux, va. Essaye de faire ça. T'as vu, ils se la ramènent, les doux. Hein. Hey, ils se la ramènent, hey, les doux. Hey. Ah, je te jure. Rémi ? Oui ? Allez, va dormir, sale gamin. Ouais, puis de toute façon, c'est pas comme si les cours qu'ils vont avoir maintenant, c'était important. En plus. Parce que de toute façon, tu vas tout réviser à la rentrée. Donc. Bah, exactement. Bon, salut Rémi, je te repasse Sandro au standard. À bientôt, ciao. Bah, attends. Ouais, quoi pour le truc de la fête des mères. Une astuce à tous ceux qui veulent faire le truc. Dis-moi. Bah, si c'est des filles qui se font passer pour des doux, essayez de faire la voix de votre mère. C'est une idée Rémi, hein, mais je pense que fumeur, tu ferais mieux d'étudier tes maths. Okay. Salut Rémi. Salut. Allez, ciao Rémi. Hop, il est devenu doux officiel, ça y est, c'est fait. On écoutera aussi ce soir le son de Dioro avec 5 Hours. Je vous calerai également la belle Katy Perry, Birthday. Alors, il n'est pas prévu, mais je vais mettre quand même hein, le son d'Avicii, Lay Me Down, voilà. Ça, c'est bon, ça. Eh oui. Ça me donne envie de faire de la gymnastique. Et le zap que Polo kiffe par-dessus tout. Le son de Madame Pavoschko. Ah, il était avec Sandro dans les couloirs, Titaï, Madame Pavoschko. Et moi, je t'encule, Madame Pavoschko. Tu vois ? Vas-y, chante Polo. Mais ouais, bien sûr, il est là. Madame Pavoschko. Ah, je suis en train de faire un truc là. J'arrive. Bon, voilà, on écoutera ça tout à l'heure. Et si vous voulez choisir des sons particuliers, eh ben, vous demandez hein, tout simplement avec le hashtag et Mickaël. D'ailleurs, sur le Twitter, il y a Max qui est dessus. Mickaël, ma mère. Dit que tu es mignon. Oh bah c'est gentil, oh, Max. Soupinou. Madame après, a du goût. Il faut voir. Oui, déjà, il faut voir quel âge a maman aussi, Max. Stéphanie qui dit les loups me font trop rire quand ils se tapent le téléphone sur la tête. Il y a Damien, il dit tu m'as manqué, Mickaël, depuis hier. Sérieux, moi j'ai 12 ans et je suis plus doux. Ah bah si. C'est bien aussi, Damien. Bah non, s'il a mué, il est plus doux s'il a mué. Ah, c'est putain. Fait. Hein. Et Frélès 34 qui dit il a fait moche dans le sud. Un temps de merde. Eh ben, bien fait. Oh zut, alors pas de chance. Attendez, c'est bon, vous avez tous les autres jours il fait beau et ici dans le nord il fait dégueulasse. Alors pour une fois, que c'est le sens inverse, c'est bon, pour une fois. Morgane avec nous également maintenant, de Verneuil. Salut Morgane. Salut. Ah, déception totale, je m'attendais à une fille. Pareil. Voilà, bon, bah tant pis, c'est pas grave. On fera avec Morgane, hein, on fera avec. Tu peux faire la voix de fille pour essayer, non? Salut. Oui. Ouais, non, on dirait un doux. On dirait un doux. Bon, c'est rien. Morgane, tu nous appelais parce que tu veux tenter de choper la GoPro Hero 3 Plus qu'on file toute la semaine. Et pour ça, tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il repart avec la Hero 3 Plus, la GoPro. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Morgane, fais péter la colle. Je suis divisé en deux et je suis indispensable à la vie pour vivre. Attends, répète-la parce que j'ai peur de ne pas avoir tout compris. Je suis divisé en deux, je suis indispensable pour vivre. Alors, je suis divisé en deux et je suis indispensable pour vivre, c'est ça ? Qui suis-je ? C'est ça. Bon, très bien. Si vous avez la bonne réponse, eh ben vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique, comme d'hab, par SMS. Et dans quelques secondes, je vous la cale également sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir la lire et y répondre. Et vous serez peut-être l'heureux propriétaire d'une GoPro Hero 3 Plus. En plus, c'est bien, juste avant les vacances, ça peut être cool. Si vous avez prévu de partir là parce que ça va dans l'eau, si vous avez si vous allez l'année prochaine au ski, ça va également la neige, tout ça, pas de problème. Bref, c'est un truc, c'est tout terrain. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, il y a pas de souci. Alors évitez de faire comme Toff et l'abandonner en pleine Méditerranée parce qu'elle ne flotte pas en revanche. Si maintenant elle flotte. Maintenant, avec les accessoires, les nouveaux accessoires, elle flotte. Ah d'accord, parce que lui elle a sa petite bouée. Voilà, il l'a mis sur une planche et puis malheureusement le drame est Il y a une baleine qui s'est échouée sur la planche. Si vous êtes sur Montpellier et que vous êtes dans la Méditerranée en fouillant peut-être un peu pas très loin au large. Non. Peut-être que la GoPro de Toff s'y trouve. Vous allez voir sa tête de con sur les vidéos. Si la carte SD est encore dans bonne. 100 ans, t'es des mecs super évolués, nos descendants qui seront des génies et tout. Pas ce Toff, mais en fait ils vont récupérer les archéologues. C'est ses ancêtres. Et ils vont voir la gueule de Toff. Comme tu vois aujourd'hui les mecs de Cro-Magnon, ils ont l'air cons. Tu vois, et là ils vont dire pareil, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça. Regardez, voici l'humain du passé. Je tiens à préciser que la dernière chose que la GoPro a vue, c'est un cul quand même. Oui, mais c'est bien. Bon, allez Morgane, on te récupère tout à l'heure avant minuit 30 évidemment pour répéter encore quelques fois la colle pour les nouveaux auditeurs, ceux qui viennent de débarquer là ou qui débarqueront d'ici là. Et puis à minuit 30, on appelle le ou la gagnante. Si elle décroche et elle donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si la réponse est mauvaise ou qu'elle ne décroche pas, c'est toi qui gagne Morgane, d'accord ? Ok, très bien. Très bien, t'as envie d'écouter un son ce soir Morgane ? Pas spécialement. Bad de David Guetta. Bad de David Guetta. Et ben oui, avec Showtech, tiens. Ouais. Et ben je vais le mettre tout à l'heure avant 2h, promis. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de problème, avant 2h je te le passe. Et puis du coup on te récupère tout à l'heure Morgane, tu restes avec nous, surtout ne bouge pas de là. Toff qui a. Sandro qui a profité du soleil également là. Bah oui. Et qui est au top du régime puisqu'elle vient de se flinguer un coca 140 mais calories. Arrêtez, j'ai un fait une coca, pause. Ce qu'on appelle un regular coke, le coca rouge, le coca normal, le coca full sugar. Full sucre. Mais elle a fait du sport pour compenser aujourd'hui. Ah, donc alors, ça va j'ai pas fait de sport aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui c'est repos. Oui c'est repos. Et des journées plaisir. Elle s'est enfilé le paquet de madeleine que t'avais laissé la dernière fois là. Ah oui, parce que comme un con, en fait, on a une machine à la radio, il faut taper les lettres et les chiffres pour avoir un truc. Et je voulais la gaufre et je tape le numéro de la madeleine, mais c'est madeleine au chocolat, j'aime pas le chocolat. Et bah forcément, ça m'a niqué un euro et j'ai eu les madeleines au chocolat. Donc du coup, je les ai abandonnées dans le bureau en me disant qui va les bouffer. Mais rassure-toi, Sandro a pris un kilo grâce à ça. Ah, non, bah, me voilà rassuré. Bon, Toff qui en a profité aussi pour faire sortir un peu ses amis. Hein. Coupé des voilà, on appellera tout à l'heure. Tu fermes ta gueule. Voilà, avec plaisir. Tous ces gens très sympathiques qu'on appellera tout à l'heure. Lidou également et l'armée qui est au taquet. Hein. Ouais, je recrute Lidou, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus dans cette grande armée. Nous allons attaquer la Russie bientôt. On emmerde Poutine, ouais. Bah voilà, et un message de Hello la team de la part d'Eliott. Il y a Maximilien qui dit dédicace à tous les routiers de France, s'il te plaît, Mickaël, de la part du Normand. Et puis merci Paris, et c'est Léa sur le Twitter qui dit bah c'est vrai, t'es mignon, Mickaël. Ah, bah, je te remercie, Léa. Et Club Med également qui dit bonsoir la famille, en pleine forme ce soir car vous êtes là et parce que Anderlecht est champion. Et oui, la capitale est champion. Tu vois, les deux capitales sont championnes. C'est beau. Ouais. À Paris, en France, c'est Paris. En Belgique, c'est Anderlecht, donc Bruxelles, quoi. Voilà. Et puis, qui des deux ira le plus loin de Champions League, je ne sais pas. Oh, j'ai bien idée. Il y a Loïc aussi qui dit c'est sûr que s'il voit Toff sur la GoPro, les humains du futur vont être déçus. Et Jimmy qui dit j'ai honte pour les humains du passé. Ah oui, ça c'est confirmé ça. Et je voulais vous demander, tiens, est-ce que vous avez déjà cassé ou perdu un truc important qu'on vous avait prêté ou confié? Moi personnellement non, mais j'ai une très bonne histoire à raconter. Oh, c'est pas une histoire mec, c'est une trilogie. Bon, c'est on va en parler. Non, je vous demande ça parce que je viens de voir une vidéo que je vais vous mettre sur le Facebook de l'émission. C'est un voiturier d'un hôtel qui a défoncé la Lamborghini qu'il devait garer. Le mec, il a été viré depuis, évidemment, tu penses bien. Donc si vous aussi vous avez déjà cassé ou perdu un objet qu'on vous avait confié, qu'on vous avait prêté, venez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, évidemment, comment vous l'avez retrouvé, comment est-ce que vous l'avez remboursé, est-ce que le mec qui vous avait prêté l'objet ou la meuf que vous avez prêté l'objet vous a tapé sur la gueule. Bref, est-ce qu'elle a gueulé? Vous nous appelez maintenant, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tiens Morgane de la colle, t'as déjà eu ça toi? T'as déjà prêté un truc que t'as perdu ou cassé? Non. Jamais. Et toi, Paul? Non, non. Ah oui, mais plein de trucs, plein. Ah bah je oui, me souviens pas de... j'ai prêté une tondeuse à Polo qui voulait me l'acheter. Tondeuse que j'achète et qui finalement ne me va pas. Enfin, c'était un rasoir que je voulais, je me suis gouré. Je lui prête, il l'a fait tomber. Elle et lui, ah bah il est cassé. Non, ah bon, bah il c'est est cassé, pas ça, c'est alors, de la merde. Mais le truc, je pouvais pas me raser oui, la non, tête pire, avec. Pire, il me dit, ouais, elle est cassée, c'est de la merde. Elle s'étonne de Polo. Bah oui. Mais attends, comment et tu fais une tondeuse neuf, le rasoir, hein. Tu fais une tondeuse qui s'éclate sur du carrelage. Oui, bah oui. J'ai fait ça. Mais comment tu fais j'en sais rien moi, une voiture qui s'éclate contre un mur. C'est scandaleux, ça doit être de la merde. C'est vraiment de la merde. Ça doit être de la merde. Ça doit être de la merde. Bon bah bref, appelez-nous. On aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Et puis, enfin quelques minutes dans une petite demi-heure. Et puis on aura des euros aussi. Ça va débarquer, ça juste après la pub. 5 hours. Et la pub, ça va durer 2 secondes. Hein. Bougez pas de là, on revient juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Allez, plus de pub et on est en direct sur Fun Radio là, plus de pub. Il y a Nunu, Nono pardon, qui dit sans déconner, mercredi je suis allé à Barcelone, j'ai vu le clone de l'autre con de Toff. J'ai pris peur. Ah bah ouais, faites gaffe, hein, on sait jamais, vous pouvez le croiser n'importe où. Il y a Bosnakov aussi, ouais, j'ai perdu ma caméra à la plage, c'était Mickaël. Et mes parents m'ont niqué. Bah oui, forcément, si c'est eux qui l'avaient payé. Bon, rappelez-nous si vous avez déjà perdu ou cassé quelque chose qu'on vous avait prêté ou confié, vous nous appelez pour nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On aura Kevin de Toulon dans quelques minutes. Et puis bah, vous toutes et vous tous en direct avec les appels de Toff dans quelques instants. Bah voilà, on va faire quelques appels dans quelques minutes et balancer encore vos messages avec le hashtag et Mickaël. Je rappelle qu'il y a le top tweetos qu'on aura l'occasion de faire tout à l'heure. Plus vous balancez de messages avec le hashtag et Mickaël, plus vous avez de chance de choper, plus vous aurez de chance de choper le magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Allez, bonne chance tout le monde. 23h18 sur Fun. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Si vous débarquez pour la première fois, bah soyez les bienvenus. C'est Mickaël No Limit. C'est comme ça tous les soirs, 23h à 2h. Et tous les dimanches de 20h à minuit. Nous, ne ratez pas le chéri, je peux te faire cocu. Ça risque d'être du lourd avant minuit encore. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun, il est 23h21. Il y a Christophe qui dit comment ça fait du bien de travailler avec Mickaël. Le temps passe bien avec mes collègues, me prennent pour un fou quand je rigole tout seul. Ah bah oui, c'est normal Christophe, les autres écoutent d'autres radios, donc forcément ils se font chier. Ouais. Ils comprennent pas comment ça fait que toi tu rigoles. Mais il faut simplement leur inculquer qu'il y a d'autres radios qui existent sur la bande et puis bah voilà, qui débarquent. Ils sont les bienvenus, on en écoute tout le monde nous. De toute façon, la preuve, hein. On a Polo, il y a Toff. Ouais. C'est bien la preuve qu'on est quand même hyper ouvert. Et on est hyper ouvert. Voilà. On met pas de frontières. Pas plus... Ah bah non, on là on ouvert. Peut pas là. Et Sophie qui dit moi je peux casser des choses sans les toucher. Ça m'étonne pas ça. Et Alexandre qui dit mon pote m'a dit de lui garder son iPhone. Et comme un con je l'ai fait tomber. Et comme tout le monde, bah l'écran d'un iPhone, c'est pas très résistant. Ouais bah ça dépend comment il tombe surtout. Hein. Moi ça. Ça m'est arrivé une fois d'en casser un, mais il tombait sur le trottoir face à la première. Ah ouais. Moi, que la vitre a pas survécu, mais c'est la seule fois où il est tombé. Moi, j'ai un iPhone 5 là depuis. Quand est-ce qu'il est sorti le 5S? Il est sorti en mois de septembre, je crois. Ouais. Bah, je l'ai depuis le mois de septembre, il n'y a pas une rayure dessus. Ouais. J'ai pas de coque, j'ai rien. Ouais, mais les nouvelles vitres, elles sont plus aussi sensibles, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que. Ça dépend ce que tu fais. Je veux dire, tu prends ton téléphone, t'en prends soin. Quand je vois le téléphone de ma copine, il est déjà pété de partout. Parce qu'elle le lance dans son sac, parce qu'il traîne de partout, parce qu'elle le dépose, parce qu'il tombe dans la voiture. Parce que... Mais ça, c'est alors la forcément, spécialité des meufs. Elles aiment bien le balancer. Ouais. Au lieu de le poser comme ça, elles le balancent. Ouais, genre, c'est, ça, du, c'est du pain. Voilà, c'est ça. Et il y a Romain qui dit c'est pour quand le licenciement de Toff? Bah, on est au mois de mai, chaque chose en son temps, Romain. Et Robot aussi qui dit moi j'ai prêté une moto de cross qu'on m'avait prêté. Je me suis bouffé un arbre. Ah oui, ça c'est quand on s'est pas roulé, qu'on se la ramène un petit peu là quand même. Hein. Bon, on va prendre Kevin qui voulait nous donner son avis là. Salut Kevin. Ouais, salut Mickaël. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, très bien, ouais. Puis après on offrira également la Wonderbox là pour la fête des mères. Voilà, Wonderbox donc je disais. Fête des mères qu'on vous offre toute cette semaine. On offre ça aux doux pour la fête des mères, puisque les doux en général n'ont pas beaucoup d'argent. Bah, en général, non, pas un rond. Et donc, du coup, ça leur permettra d'offrir un beau cadeau à maman, puisque c'est les coffrets Wonderbox I Love Maman qu'on file toute la semaine. Si vous voulez en offrir un, on a besoin de parler à votre mère. Attention, donc si on parle pas à votre mère, pas de cadeau, hein. Donc vous vous démerderez pour lui offrir un truc. Donc appelez-nous au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Kevin de Toulon, t'as passé une bonne journée, toi ? Ça va, j'ai passé une bonne journée, je travaille pas aujourd'hui. Cool, tu fais quoi dans la vie sinon, en temps normal ? Ah, je suis serveur. Serveur, au resto ouais. Ou au bar ? Ouais, au resto. D'accord, ok, très bien. Ouais. Bon, alors Kevin, bon, alors du coup, tu reprends demain, toi ? Voilà, enfin demain, et puis voilà, et puis j'étais serveur aussi cet été, ouais. Et ça s'est mal passé. Ah, donc toi tu voulais réagir par rapport à ce qu'on t'a déjà prêté, voilà. ou confié, voilà. Que t'as cassé, perdu, et puis il y aura une grande histoire de toff avec un ami commun. Ah oui, légende. Dont on parlera dans quelques minutes, mais ça risque de prendre un peu de temps. Mais dont nous tairons le nom. On taira le nom, bien entendu. Non, non, il s'appelle son anonymat. Voilà. Alors vas-y, on t'écoute. Alors donc je devais faire une saison dans le sud-ouest, et j'avais besoin d'une voiture. Et donc c'est mon père qui m'a prêté la voiture qu'il venait d'acheter. Ouais. Et tout s'est bien passé pendant la saison. Et puis un soir, malheureusement, bon, c'était pas ma voiture, du coup c'était celle de mon père. Et le dernier soir où j'en avais besoin avant que je sois logé, enfin bref, j'avais plus besoin de la voiture. Et le dernier soir, je rentrais du travail. Ouais. Et j'étais tout seul, j'ai mal pris un virage et j'ai complètement planté la voiture. Et c'était des tonneaux et tout, la voiture. Ah oh oui, morte. Les tonneaux carrément là, toi tu l'as fait bien toi. En fait c'est bien parce que tu sais, t'as le mec qui prend la voiture, bon, il fait une rayure, hein, il raye une jante, il raye le je sais pas moi le pare-choc, l'aile, etc. Non toi tu fais les tonneaux toi, carrément poubelle la voiture. Oh la violence. Non mais t'as raison, et tant qu'à faire autant faire les choses bien tu vois. Ah, il a dû être heureux ton daron. Non, grave. Ouais, mais moi j'ai eu trop de chance quoi, parce que vu l'état de la voiture, moi j'ai rien vu, absolument rien. C'est clair. Comme disait Michel dans le canular de jeudi, c'est pas grave, c'est de la tôle. Hein ? C'est que de la tôle, c'est pas, y a pas mort d'homme. Voilà. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai. Du coup, la première personne que j'ai appelée, c'était mes parents. Et genre, ah, tes parents sont juste une personne. C'est ça ? Ils sont aussi à moi ? Tu lui dis, mais la première personne que j'ai appelée, c'est mes parents. Oui, bah oui, t'as appelé tes parents, t'as appelé toi la maison. Ah oui, moi je j'appelle ma mère, c'est. Voilà. Voilà, c'est mieux. Il sortait d'un dîner, ouais. Et j'ai appelé ma mère, c'est ma mère qui a répondu, je lui ai dit que j'avais eu un accident. Elle a paniqué et tout, enfin elle m'a dit comment ça va moi, parce que j'étais loin de Toulon, dans le sud-ouest, ça fait 500 km quoi. Et après elle m'a passé mon père, et mon père, première chose qu'il a demandé, la voiture elle est comment et... Elle est très bien, ouais, oh là là. Et ben, elle est toujours bleue, hein. Ça, ce côté là il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup de verre maintenant. C'est ça. La voiture a été morte et voilà, donc la voiture et... Mais elle était assurée quand même, ou t'étais vraiment dans la merde, elle est pour la poubelle et basta? Non, bon elle est allée à la casse la voiture, mais elle était assurée. Ah bon, mais bon voilà, moi, il me reste quand même un peu à rembourser à mes parents quoi, enfin, même si voilà, ils s'en foutent parce que je suis encore là, mais sur le coup quoi, ouais. Non mais tu m'étonnes, normal. Bah oui, normal, c'est évident. Il y a Devers45 qui dit salut à tous, moi j'ai prêté un vélo et un casque de scout à un pote et il m'est jamais revenu et le gars je le vois plus. Oui, bah, étonnant tiens. Oui c'est très bizarre. Oui, très jamais étonnant. Faire confiance à personne. Ne jamais faire confiance. Bon attends, il y a Wilfried aussi de Clermont-Ferrand là, salut Will. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Coupe la radio Will s'il te plaît, parce que ça fait de l'écho derrière là. Tu fais du théâtre ou pas ? Ouais, il fait un peu de théâtre. Non. Non, bah tu devrais faire un peu de théâtre. Bon, bienvenue à toi Will de Clermont-Ferrand. Ça va Clermont-Ferrand, Wilfried ? Oui, ça va. Bon, très bien. Alors toi, qu'est-ce qu'on t'a prêté ou confié et que t'as cassé ? Ça marche aussi, qu'est-ce que vous avez prêté ou confié et que le gars vous a cassé, hein, ça. Oui. Vous pouvez aussi nous appeler pour ça. Hein. Bon, alors on t'écoute Will. C'est ma mère qui m'a prêté sa voiture. Ouais. Et j'ai eu un accrochage avec. Ah, un accrochage comment, c'est-à-dire ? Par rapport à une priorité, en fait, j'étais sur la route et tout ça, il y en a un qui m'a refusé la priorité. Ouais. Et il y a toute l'aile arrière qui est droite, qui est vraiment abîmée. Ah oui, j'arrive. Ouais, mais c'est pas de la faute. Ouais, mais voilà, après, je l'ai pas dit pour l'instant. Ah, ça vient d'arriver là ? Oh, mais tu veux pas qu'on appelle ta mère pour attends, lui dire ? Attends, mais tu veux qu'on l'appelle en direct pour lui dire ? Non, parce que sinon, il y a Michel, ça peut être l'avocat. Non, en plus, elle dort et en plus, parce qu'elle prend demain, enfin, elle prend à 3h du matin. Ouais, bah justement, on l'a pris avec sa voiture. Ouais, on l'a pris à 2h, elle sera tout juste réveillée. Non, parce que franchement, là, non. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, blague à part, faut lui dire à un moment, hein, elle va s'en rendre compte au final, de toute façon. Mais de toute façon, il faudra que je lui dise demain ou après. Ouais. Bientôt un jour. Bientôt un jour, oui. Mais tu sais, elle va quand même assez vite s'en rendre compte. Il y a un moment, ça va vite arriver, ouais. Tu vas pas t'en rendre compte et puis paf, tu vas t'en prendre une en pleine gueule. Voilà. Bon. Non, mais surtout qu'en plus, la voiture, elle est abîmée à l'arrière. Oui. Ouais, donc c'est vraiment bien la preuve que t'as pas fait exprès, puisque la priorité de droite, si le mec t'a touché à l'arrière, c'est que c'est lui qui a pas freiné, quoi. En plus, on l'a eu il y a même pas deux semaines, la voiture. Ah oui, elle est toute neuve en plus. Oui. Ah, elle va être très heureuse, elle va être fière de toi. C'est quoi comme voiture? Une Dacia Sandero, s'il te plaît. D'accord, ok. Bah oui, mais écoute, bon, bah, c'est pas grave. C'est... Y a pas mort d'homme, c'est que de la tôle, hein. Oui, voilà. Après, j'ai eu mon permis, il y a même pas 2-3 jours que je l'ai eu, c'est pour ça. Attends, comment tu... Ah oui, tu viens de casser la voiture a 2 semaines et tu... Ah oui, donc toi tu commences bien sur la route, toi. Hein. Voilà. Eh ben très bien. Bon, bah écoute, on va souhaiter bonne chance, Louis, avec ta mère. Hein. J'espère qu'elle va pas te tuer. Ça nous ennuierait de perdre un auditeur. Bah oui, c'est vrai quand même. Oui. Bon, en tout cas, s'il y a un problème, tu nous rappelles, Will, hein, d'accord? D'accord, merci bien. Bon, ça roule. Salut Will, salut Kevin. Au revoir. Salut. Allez, à vous deux. Allez, à bientôt et merci d'avoir appelé Fun. N'oubliez pas de prévenir vos potes qu'on est là de 23h à 2h. Il y aura Anthony de Charleroi dans quelques minutes. Théo de Bordeaux. On aura JB, tiens, un petit doux là pour la fête des mères. On reparlera de la colle avec Morgane. Et alors, il y a un message également de Ludo qui dit salut la team. Je voulais vous dire que j'adore votre émission. J'espère que votre émission continuera. Sinon, je m'ennuierai la nuit dans mon camion. Mais t'inquiète pas, Ludo. Là, on est là et on compte pas bouger de sitôt. Bonne nouvelle également pour Toff. Oui. Ça y est, le chiffre vient de tomber. Ah. Eh oui, ça y est, en Angleterre, l'âge du premier rapport sexuel est maintenant à 14 ans. Ce qui pose un petit souci, vu que comme en France, l'âge légal est fixé à 16. Ah oui, on se demande un petit peu ce qui se passe. Donc, venez nous dire à quel âge vous l'avez fait la première fois et bah, qu'on voit un petit peu si c'est comme en Angleterre. Hein, quelle est la moyenne d'âge des auditeurs de Fun, à quel âge ils ont couché avec leur copain, leur copine pour la première fois. Et puis, bah, du coup, Toff, c'est quel âge, toi? Moi, 16. 16, moi aussi, fin 16, début 17, j'arrive pas à revenir dessus parce que je me souviens que c'était tout juste vers mon anniversaire, mais je sais plus si c'était avant ou après. Bon, globalement, on va dire 17 pour arrondir. Polo, c'était quel âge toi? Fin 17, début 18. Très tard, moi, très tard. Ouais. Fin 17, ouais. Début 18, d'accord, bah oui. C'était dans les il a fallu trouver chaussures à son pied. Bah, c'est pas que chaussures, c'est. C'était une pute, hein, moi, j'ai payé. Il a payé, il s'est dit à un moment, merde, je peux plus attendre. À un moment donné, j'ai dit, bon, mec, à un moment donné, faut se décider. J'ai cassé mon cochon, matière à lire, où j'ai économisé mon argent, et puis je suis parti avec mes piécettes et j'ai dit, tenez. Très bien, il l'a payé en pièce de 1 la meuf, donc ça a pris le temps. Et Sandro, toi, quel âge la première? 15 ans. Ah putain, c'est la plus précoce de nous toutes, dis donc. Enfin, de nous tous, pourquoi je dis nous toutes? En même temps, je crois que c'est beaucoup plus facile pour une fille. Hein. Ah, c'est plus simple, tu t'écartes les jambes et ça y va. Non, mais c'est vrai. Ouais, merci. Ouais, faut que tu cours. Bon, donc du coup, donnez-nous vos avis. On va faire les premiers appels à caractère, malveillant, à caractère pornographique, puisque c'est comme ça que la police a qualifié les appels de Toff. Eh ben, on fait ça dans quelques minutes. Juste le temps d'écouter l'hymne de la Coupe du Monde qui démarre, là, dans moins d'un mois, là. Hein. Attention. Ce sera, on va suivre ça en direct pour vous, bien sûr. Hein. Rassurez-vous, vous n'avez pas l'occasion d'aller au Brésil. Eh bien, on y sera. C'est bon ça. Enfin, on sera devant la télé, je veux dire. Pardon. On y sera virtuellement, quoi. Je me suis emballé. Je me dis, ouais, ça y est, on part en vacances. Oh, la gueule d'enculé qu'il avait. Ça. Il était tout souriant et tout. On se fait Pitbull et Gilo maintenant. C'est We Are One sur Fun. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, évidemment, 23h35 sur Fun Radio. Il y aura la nuit sans pub aussi, juste après, là, d'ici une petite dizaine de minutes, on va démarrer ça. Lucas aussi, comment on fait pour avoir un message de bienvenue? Bah, tu demandes. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Voilà, bon, je ne connais pas ta mère, Lucas, ça n'a rien de personnel. Kev également, qui dit, moi, j'en ai pas encore eu de rapport, j'ai 22 ans. Eh ben, y a pas de mal, Kev, hein, ça viendra quand tu seras prêt ou quand tu trouveras. Kevin aussi, un autre, qui dit, moi, j'ai dit à mon patron, j'ai pété le rétro du camion, il m'a dit, bah, va le faire changer. Je lui ai répondu, oui, mais le problème, c'est que le camion est couché dessus. C'est drôle ça. Enfin c'est drôle, à la place du mec je pense que j'aurais pas trouvé ça drôle, mais bon. Greg aussi qui dit, moi j'ai eu l'iPhone 5 le jour de sa sortie et l'après-midi je le montre à un pote et ce connard le laisse tomber par la fenêtre de l'appartement, du coup plus d'iPhone. Ah, il l'a fait exprès. Alors soit il le fait exprès. C'est de la jalousie ça, mais bah oui. Ou quoi qu'il arrive, moi je lui mets une patate. Hein. Attends, oh le mec là, genre. T'imagines. C'est un truc tout neuf, tu fais attention, comment tu peux le faire tomber d'un. Il l'a fait exprès. D'un immeuble. Enculé, enfin, tu vois, genre de la terrasse ou du truc là, mais c'est un truc improbable quand même. Enfin bon bref. Bon alors du coup on va faire les appels de Toff. Juste après, on va raconter l'histoire donc d'un ami commun de quelqu'un qui a prêté un appareil. Et donc bon, il l'a pas prêté, c'est pas vrai. Voilà, attention, il y a trois volets. Hein. Qui a confié un appareil, oui. Et puis il y a eu catastrophe. Je vous explique. Un drame. On va vous expliquer ça dans quelques minutes. Expliquons juste que les deux protagonistes sont deux gros mongols. Hein. Bah, dont un est décédé, je crois. Étaient deux amis, surtout. Cette histoire a duré 7 ans, quand même. Exactement, mais dure encore. Et donc, on aura Jessie pour parler des premières fois, puisque on va en parler avec Tov, justement, maintenant, avec les appels. En Angleterre, on s'est rendu compte que la moyenne, du premier rapport sexuel était de 14 ans. Ce qui pose un petit problème, puisque comme en France et en Belgique, l'âge légal est de 16 ans. Oui. Donc c'est bizarre que ce soit 14 ans la moyenne alors que c'est 16 légalement. Donc du coup, alors il faut peut-être revoir la loi. Bah c'est ça. Donc du coup, on va appeler des gens là. Tu vas leur poser, tu vas leur demander quand est-ce qu'ils ont couché la première fois. Bah oui, évidemment. Bon bah alors c'est parti, on y va. Grâce au numéro comme d'hab, numéro de téléphone que vous envoyez sur le mail de Tov comme tous les soirs, toph@funradio.fr. Continuez d'ailleurs, hein, on en a toujours besoin. Ah toujours. C'est des gens. Je n'ai jamais assez de numéros. Bah voilà, vous connaissez des gens qui sont très vite énervés ou des gens que vous n'aimez pas justement et vous voulez qu'on les emmerde un petit peu, hein, grosso modo. Et bien n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va. On appelle le premier de ce soir, 23h38 sur Fun Radio. Et on parlera de l'âge de votre première fois aussi juste après. Et ça ne décroche pas, c'est parfait. Oui, bonsoir monsieur. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Madame ! Ah, pardon, excusez-moi madame. Vous êtes qui ? Oui, je m'appelle Toff madame. Et alors ? Et en fait, je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle. Mais ça peut vous foutre. Occupez-vous de vos fesses, monsieur. Mais je vois pas, je vois pas le rapport. Vous croyez pas que vous devriez vous occuper de vos fesses ? Mais je vois pas le rapport, madame. Non, vous êtes un petit con, allez vous faire soigner. Mais enfin, madame, allez pourquoi... Allez voir un psychiatre, ça vous fera du bien. Mais pourquoi vous me dites ça, madame ? Connard. Oh non, madame. Counard. Oui, je suis un counard. Un counard. Bon, par madame contre, pour la défense de Toff, c'est clair que c'était pas super simple. Enfin, c'était une chance sur deux. Hein. Oui, c'est madame, pas... monsieur, on savait pas très bien. Bon, on va la rappeler. Hein. Parce que maintenant, on sait que c'est une dame. Hein, donc, on rappelle madame. C'est parti. Notons ton peut-être sur monsieur. Qui dira peut-être. Oui, allô. C'est pas drôle, ça. J'ai dit. C'est sous les noms. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Laisse pas parler des gens. Allô, vous m'entendez? Mais il a toujours parlé des gens. Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est la police, monsieur. Ah oui, c'est la police. Je oui vous écoute. Ben en fait, voilà, je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle, monsieur? Vous êtes enregistré, monsieur. Oui, d'accord. Ça, mais je vois pas le rapport, monsieur. Merde, il a raccroché. Oh. Ce qui est marrant, c'est que c'est la police avec Germaine derrière qui crie. Tout ça est très crédible. Ah ouais, attends, on va la rappeler encore un coup là. Allez hop, on rappelle la police. Enfin la police. Et voilà la police. Hein. Bon connard, t'as que ça à foutre. C'est bon hein. Mais enfin pourquoi vous dites ça madame, Ah bah dis donc alors. Bah alors et la police. Ouais, je pense qu'on a eu la fille pour faire. Bah oui, là, je pense qu'on a eu la fille. On a fait le tour de la famille. Là, donc ça y est, c'est fait. Hein. Bon bah tant pis, on essaiera de rappeler tout à l'heure. Hein. C'est pas grave. Si vous avez des numéros de téléphone encore à donner à Toff, n'hésitez pas, on les appellera dans moins d'une heure. toph@funradio.fr. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Il y a un message de Rock'n'Wolf qui dit: moi ma première fois c'était à 18 ans et je regrette pas d'avoir attendu. Bah oui c'est ça en fait, faut le faire quand vous kiffez la meuf ou quand vous kiffez le mec, faut pas le faire pour le faire. Il y a Alexis qui dit: ça fait 3 mois que je vous écoute non-stop et je vous kiffe déjà, c'est gentil Alex. Préviens tes potes également, les pauvres, on va pas les laisser abandonner sur d'autres radios avec des émissions merdiques. Oh quand là même là. Alexis, ça se fait pas. Oh bon. Et Stéphanie qui dit: n'empêche, je suis d'accord avec elle, ça ferait du bien à Toff d'aller voir un psy. Non, parce que ce serait vraiment méchant pour le psy. Oui. Bah, le mec, il a quand même fait des études, il veut quand même avoir une carrière et ouais, ça niquerait sa carrière quand même. Hein. Bah, c'est vrai. Je suis déjà à deux suicidés, hein, donc... Tu m'étonnes. Et Jessie qui dit 18 ans moi la première fois, Andrea c'est 14 ans, il y a Stevie aussi, ou Steve qui dit 38 ans mais comme j'ai que 34 alors je patiente. Bah oui ça va venir, hein, t'inquiète pas, à un moment ou à un autre, il n'y a pas de problème. Continuez, lâchez vos messages avec le hashtag et Mickaël. Je rappelle donc qu'il y aura tout à l'heure eh bien le top tweeto, ce sera à 2h du mat, on verra donc quel est l'auditeur qui repartira avec le cadeau, celui qui aura le plus tweeté ce soir avec le fameux hashtag Mickaël. Et puis avant de reprendre Marine, là, par rapport à ce qu'on a prêté, confié, etc. Il y a la colle avec Morgane. Est-ce que t'es là, Morgane ? Là, ouais. Ah, bah, très bien. Allez, fais péter Morgane, la colle, on y va. Hein. C'est parti. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique par SMS. On t'écoute, Morgane. Alors, je suis divisé en deux et je suis indispensable pour vivre. Qui suis-je ? Très bien. Alors, attention, je suis divisé en deux et je suis indispensable pour vivre. Qui suis-je ? Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y par SMS, je viens de vous le dire. Sinon, par Facebook également, tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur le Facebook. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir la colle puisque je l'ai postée. Et vous allez pouvoir y répondre également. Il y a Thomas qui proposait les boules. Non, c'est pas ça. Non, il y a Pascal qui proposait les couilles. C'est pareil. Ah non plus, non. Il y a Marlon également qui proposait la schneck ou la bouche. Ah non plus. Mais on n'a pas de schneck. Bah non. Il y a Julie qui proposait les poumons ou le cerveau. Non plus. Il y a Thierry aussi sur le Facebook, un Twix. Non, non plus. Ça aurait été une idée, hein. Ça aurait pu être une idée. Il y a Roger qui proposait mes deux fesses. Non plus. Non plus. Il y a de l'eau pour Christian. Bah oui, de l'eau. Bah ouais, oui, il y en a deux aussi. H2O. Ah, ouf. Oh, ça non, va loin là. Car Moïse a coupé la mer en deux. C'est vrai. Il est vrai. C'est toi qui vas encore plus loin. Ouais. Il y a Mehdi qui proposait les mains. Non. Non plus. Romain qui proposait les yeux. Non. Et par SMS, on proposait également les parents. Ah non. Bon, c'est pas un indispensable pour vivre, cela dit, hein, mais bon. Non, c'est pas ça non plus. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, on la donne avant minuit 30. Dans moins de 3 quarts d'heure, on connaîtra le gagnant de la GoPro Hero 3 Plus qui vaut quand même 250€. Un petit peu plus d'ailleurs que 250€. Ce sera peut-être pour toi d'ailleurs, Morgane. On te récupère tout à l'heure, d'accord? On verra. Bon, bah, très bien, je te le souhaite en tout cas là. Reste avec nous, Morgane. Bon, il y a Marine avec nous de Cannes là. Salut Marine. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, alors qu'est-ce qu'on t'a prêté que t'as cassé, égaré, perdu? Dis-nous tout. Ouais, alors en fait on est parti pour un voyage à Barcelone. Ouais. Donc pour aller à Porta Ventura, il y a tous les jeux. D'accord. Et au final, ma pote m'a prêté pour aller parce que je voulais téléphoner à une amie. Elle m'a prêté son portable, qui est l'iPhone 5C. D'accord. Et moi je suis allée dans les autotamponneuses avec, donc je l'ai posé sur le siège parce que j'ai pas de poche. Normal, c'est là que ça se dépose, hein, bien sûr. Bah oui, non mais j'ai pas de poche. Bah oui, bah mais que t'as pas de poche, alors bah du coup tu mets... Bah moi j'avais bien une idée, mais après... Bah tu peux le mettre entre les jambes, je le dis, si. Peut-être un peu moins casse-gueule, mais enfin c'est trop tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais en appuyant sur la pédale et tout, on sait pas ce qu'on fait, du coup le truc il va tomber dans le trou, et c'est voilà. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours ta poche personnelle, quoi. Exact. Oui, voilà. Merci, Toff. Merci, voilà. Toff. Voilà. Bon, et en donc... donnant des coups, en fait, il y avait tout le monde qui donnait des coups, donc moi, j'étais concentrée dans le jeu. Ouais. Et le portable, en donnant un coup, le siège, du coup, enfin, je sais pas, la voiture, elle, ça fait un truc brusque. Et du coup, le portable, il est tombé. Et je l'ai pas vu. Et la meuf, en fait, qui s'occupe de mettre le jeu, elle commence à arrêter toutes les voitures en disant « Oui, ça qui... » Donc, je lève la main, et bien le portable était tout cassé. Ah oui, sans déconner, t'autoponeuse qui passe dessus, tu penses bien qu'il y avait grand chose. Il y avait le cache devant, enfin je sais pas, il y avait pas mieux que ça. Hein. Et il était complètement pété quoi. Il était, ouais, mais c'est pas que l'écran en fait, c'était ça a complètement, ça allait dans le portable, du coup le portable il s'allumait plus, il était blanc. Ah, c'est bien ça aussi. Ah oui, c'est bien, ouais. Bon, ça fait cher, le temps, comme téléphone, pour avoir juste un écran blanc. Ça fait... Ah ouais, non, mais ça fait chier. Mais ça, qu'est-ce qu'elle a dit, ta copine? Ça fait un beau presse-papier. C'est vrai. Ah bah, à mon avis, on sait déjà tout ce qu'elle a dit. Elle a commencé à me gueuler dessus. Bon, après, mon père, il lui a dit, et moi, il lui a dit, ouais, ça me dérange pas de t'en reprendre un autre. Mais bon, quand même, ça l'a fait chier sur le coup, parce qu'en plus, il était nouveau, ça faisait pas longtemps qu'elle avait. Ouais, mais ça va, elle a encore eu la chance que ton père ait déjà, ouais, un, les moyens, ouais, et de deux, soit d'accord de lui en rembourser à l'autre, tu vois. Ah non, non, il s'est endetté sur deux ans. Genre, ouais. Ça mettrait sur les nerfs. Non, mais tu vois, après, il y en aura qui aurait pu dire, oh, je suis vraiment désolé, ouais, bah ça me fait une belle jambe, que tu sois désolé, tu vois. N'empruntez jamais des trucs comme ça. Je suis désolé, quoi, ouais, c'est mon clair. Portable. Non, mais c'est clair. Attends, il y a aussi Anthony qui est avec nous de Charleroi. Salut Anthony. C'est nickel. Ça va? Bah, ça va, oui. Bon, alors qu'est-ce que t'as déjà eu toi comme prêt ou... Enfin, de trucs qu'on t'a prêté et que t'as cassé? Bah, à l'école, il y a un mec qui me prête 20 euros pour que j'aille chercher un truc au magasin. Ouais. T'as prêté combien? 20 euros. Ah. Et alors, j'arrive au magasin, je prends tout et au moment de payer, je cherche partout, je l'ai perdu, je l'ai plus trouvé. Ah putain, oui, bon, 20 euros, bon, après ça va encore, ouais, mais... du coup, t'as dû les rembourser ou t'as fait quoi? Ah, il s'est pris l'idée de faire le coursier aussi, là. Bah, il s'est prostitué pour rembourser, hein. C'est ça. Il m'a dit, ouais, tu vas me rembourser. Donc, il est venu, ouais, tu vas me rembourser chez vous, mais j'avais pas fait une frappe, donc j'ai menti. Je suis chez quelqu'un d'autre qui les avait. Ça fait une bisbouille, après, ma mère m'a fait une bisbouille. Non, mais ça sert à rien. Et quand vous faites une connerie, avouez-le. Enfin, tu vois, parce que sinon, ouais, non, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai, c'est l'autre. Du coup, le mec, il va aller trouver l'autre et l'autre, il va raconter encore un truc et puis ça va finir en catastrophe, Anthony. Bon, du coup, comment ça s'est fini cette affaire? Ben, j'ai remboursé et maintenant, là, tu vois, pas plus. Ah, bah, bah si c'est pour ça, il fallait pas rembourser hein, au final. Pour 20 euros. Mais oui, pour 20 euros, sans déconner quoi. Enfin, bon, bah merci en tout cas, Anthony, d'avoir appelé pour nous 20 dire. Euros. Et bah, c'est ça. Marine, merci à toi, je te fais des gros bisous, on embrasse tout le monde à Cannes. Vous c'est un peu le bordel en ce moment. Ouais, c'est un peu le bordel à Cannes, hein, mais bon. Ouais, on a vu tout le monde là. Ah, bah là, tout le monde est passé. Hein. GG est passé aussi d'ailleurs. Gérard Depardieu était passé, tout le monde est passé. Ouais, ouais, il y a tout le monde. Il y a même Nabila. Nabila est montée, on sait pas comment, sur le tapis rouge. Ouais, et comme par hasard, il y a le décolleté qui est tombé, il y a un téton qui est sorti. Mais par hasard. Mais maintenant n'importe qui peut monter les marches. Hein. Il y a IM qui a monté les marches. Il y a... Ah oui. Ouais, mais c'est des invitations. On les reçoit franchement. Non, mais voilà. J'ai reçu aussi et franchement. Quoi, t'as reçu une invitation? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais parce que t'es canoise, toi, c'est pour ça. Bah oui, très bien. Bon, ben gros bisous en tout cas, Marine. Je t'embrasse. Vous restez tous là. Il y aura Katy Perry dans quelques minutes. Ça sera Birdie sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Micro branché. Son calé. Jingle. Prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites. Un petit pas pour nous, un grand pas pour l'humanité. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun, 23h52 et c'est la nuit sans pub, c'est parti. Y'a Milka qui dit vous êtes trop top, je vous kiffe, je vous ai recommandé à tous mes potes. Ça c'est cool Milka, ben, merci beaucoup. Y'a Ludovic qui dit moi j'ai prêté ma voiture à mon pote car il n'avait plus d'essence et qu'il faisait Sam. Nous sommes partis et quand on est rentré, il est rentré dans sa voiture avec la mienne. J'ai la tâche caravane sur ma voiture. Ah oui, ça c'est dommage. La loose. Ah oui, et le boss Yakov qui dit je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît, Mickaël. Ferme ta gueule, espèce d'enfant de pute. Ben voilà, mais je ne connais même pas ta mère. Encore une fois, le Bosniakov ne prend pas ça pour toi, bien entendu. On en parlait justement de ce que vous avez prêté déjà, comment ça s'est passé, si vous l'avez cassé, etc., etc. On disait ça parce qu'il y a un mec qui, c'est un voiturier en fait, il a reçu une Lamborghini, sauf qu'il l'a cartonné. Je vous, ai mis la vidéo sur le Facebook, vous pouvez les voir. Tapez Mickaël officiel, ça vaut le détour. Hein. Prenez 5 minutes pour aller la voir, la vidéo elle est pas mal. Ah, mais en plus, c'est l'accident à la con. Ah, l'accident de merde, voilà. Donc, et du coup, on avait une petite histoire, une petite anecdote. Petite histoire, bien entendu, musique d'histoire. Bien sûr. Ah, évidemment, musique d'histoire. Alors, donc, nous sommes dans une soirée à Cannes. Exactement. Avec, donc, notre ami photographe. Voilà. Et un mec qui travaille avec nous. Et donc, il était un peu handicapé, celui-là, le deuxième. Hein. Ouais. Donc, l'ami photographe est un peu bourré. Et donc, pour ne pas abîmer son appareil, demande au mec qui travaille avec nous s'il peut prendre l'appareil photo et le ramener à l'hôtel. Voilà. Le mec dit ouais. Appareil photo de photographe, donc, qui coûte 10 000 euros, un truc comme ça. Donc, bien cher, quoi. Une belle pièce, quoi. Donc le mec qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouais ok d'accord pas de problème. Sauf qu'il est avec sa meuf. Et donc il y a pas de place à l'avant, à l'arrière du taxi. Donc il met l'appareil photo à l'avant. Ouais. Et donc ils arrivent à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend du taxi et il laisse l'appareil dedans. Dans le taxi. Et là forcément sa gueule. Et sa surgueule, normal. Non mais c'est pire que ça. C'est que tout le monde rentre à Paris. Et qu'arrivé à Paris on se dit mais il est où l'appareil photo? Voilà. Donc là, forcément, on se rend compte qu'il est resté à Cannes. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le taxi. Le taxi dit oui, j'ai l'appareil photo. Vous inquiétez pas, je le dépose. Taxi honnête, ouais. Qui retrouve, dépose l'appareil au central, à la centrale, au bordel, donc voilà. Donc là, on se dit. Et rassurez-vous, il y a quand même le clou du spectacle qui arrive. qui arrive. Et donc ni Gogol premier, le photographe, ni Gogol second, le mec avec le perdeur, voilà, ne se dit, je vais descendre à Cannes le chercher moi-même. C'est quand même un appareil qui vaut 10 000 euros. On sait où il est. Non. Et non, ça serait trop facile. Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc on fait un chronopost. La pire erreur, ils font appel à la poste. donc la meuf des taxis, hyper sympa, va à la poste, fait un chronopost, met tout dans le chronopost et envoie le chronopost. Et donc on attend. Et ben on attend encore. Hein. On attend. Ben on attend encore. Le chronopost n'est jamais arrivé, bien entendu. Voilà. Et comme s'il arrivera dans 10 ans. Ben va savoir. Peut-être comme les vieilles lettres que tu envoies et qui arrivent 50 ans plus tard. Et ce sera une pièce de collection de malade, l'appareil. Ça vaudra beaucoup plus cher encore. Et le pire, c'est qui a récupéré tous les ennuis dans la gueule? C'est Toff. Oui. Parce qu'il était devenu responsable. Bah il fallait bien un fouillon pour. Bah ouais. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que moi qui n'avais rien à voir dans l'histoire, en fait, moi je me suis fait pourrir par tout le monde. Ouais, mais c'est pour toutes les fois où t'as à voir dans un truc et que je me fais pourrir par tout le monde aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon ben voilà, donc c'était la petite histoire. En gros, ne prêtez pas vos affaires, hein, gardez-les, même si ça vous emmerde. Ouais, vous même les gardez, si vous vous démerdez. Voilà, vous vous démerdez, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Bon, il y a JB qui est avec nous maintenant de Bretagne. Salut JB le Breton. Salut. Oh, t'es un doute ou encore? Ouais. Ah, tu t'appelles pour la Wonderbox? Oui. Ah, la Wonderbox, I love maman. Le but donc, c'est offrir un cadeau à ta mère sans dépenser un rond, c'est ça? Ouais. Grosso modo, bah oui. Parce que je rappelle que c'est la fête des mères ce dimanche en France, et que c'est l'été il y a une semaine en Belgique. Donc, cela dit, si tous ceux qui nous écoutent en Belgique, là, si vous pouvez nous appeler éventuellement pour conseiller vos voisins français afin de savoir ce que votre mère a reçu comme cadeau, si elle a kiffé ou pas kiffé, hein, histoire qu'ils offrent pas un cadeau merdique si jamais vous l'avez fait et que vous avez vu que c'était un peu merdique, bon, comme ça au moins ça aidera votre prochain. Ramasser bon. Des trucs dans les ordures, vous le nettoyez un peu, vous lui donnez. Oui, c'est une idée, ouais. Bon, JB. Oui. T'as offert quoi, toi, à ta mère l'année dernière? Bon, je me souviens plus. Oh, bah, ça devait être. T'as un collier de pâte? Non. Non, un collier de perles, je l'avais fait moi-même, et puis je l'avais peint à la bombe. Et t'as fait un cendrier ridicule? Ah non, c'est pour le daron, ça. Le ouais, cendrier. Non. Et t'as non, pas non. fait un petit dessin? Mais fais-lui un petit dessin avec un cœur, c'est mignon, ça. Ah, mais ça ouais, j'avais fait ça, je crois, l'année dernière. Et bah voilà. Bah voilà. Et moi, j'avais déjà fait mes cendriers à l'époque, quand j'étais petit. Et. Je comprends pas parce que mon père fume pas, ma mère fume pas, enfin personne fume dans la famille. Ouais, et mais il fallait faire un cendrier. Et du coup, le prof vient, bon, on va faire un cendrier. Bah pourquoi vous voulez qu'on fasse un cendrier? Personne fume. Oui, ah bah c'est pas grave. Ils ont qu'à commencer. Voilà, on va faire un cendrier quand même. Mais bon, c'était ouais. beau parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette espèce de truc brillant dessus. Ouais. Moi j'aimais bien, je trouvais ça classe parce que je touchais le petit truc comme ça. Non, fois. Mais c'est bien. Mais vous avez pas fait le miroir avec les pinces à linge? Ah non. Ah non, on n'a pas eu cette malchance. Non. Ah ouais, si, moi j'ai fait le miroir avec les pinces à linge. Jeanne Métoff. Mais Toff était dans une école spécialisée. Oui. Alors, on faisait beaucoup de bricolage, oui. Voilà, c'est ça. Bon, que j'allais dire? Bon, JB. Oui. Tu voulais le coffret donc qu'on offre toute la semaine pour la fête des mères. Et bah il faut qu'on ait ta mère au téléphone. Elle est là ta mère ou pas? Oui, je vais chercher. Bon, comment elle s'appelle? Sabine. Comment? Sabine, elle a quel âge? Elle va vous dire. Non mais t'es pas sérieux, tu connais pas l'âge de ta rhum? Bah oui, il en sait rien le petit. Elle est toujours avec papa ou pas? Allô. Non, il est parti. Il est parti là. Il est parti par chercher. Il marche. C'est un petit. C'est des petites pattes hindoues. Tu sais, bah, ça, c'est ça. Exactement. Ça marche vite, mais. Salut Mickaël. Allô ça. Maman. Comment ça va? Oui, c'est la maman de JB. Bon, oui. Elle a quel âge maman? Parce que le petit s'en souvient pas là, apparemment. Elle est pas très jeune. Hein. Elle a 52 ans. Ah oui, bah non. 52 ans. Avec papa. Ah bah oui. Ah bah 52 quand même. Hein. Mais c'est bien, ouais, mamie. Ouais. Mamie. Ah bah ouais. Oui, Sabine, mais évidemment. Bon, alors Sabine, qu'est-ce qu'il a offert le petit, le doux l'année dernière là? Parce qu'il s'en souvient pas non plus. Il y a pas de mémoire, le petit doux, là. C'est le problème de faire des enfants vieux. Hein. Alors, je me souviens pas non plus. Ah, toi non plus. Ah, c'est une famille, pardon. Ah bah très bien. Bah comme ça, au moins, il y a pas de problème. Il y a pas de... Ah, mais tu te souviens pas de mon cadeau, maman, c'est dégueulasse. Sachant que lui-même ne s'en souvient pas. Bon, comment sont les notes à l'école, là, la moyenne? Elle s'en souvient pas. Non, c'est bien, c'est un bon élève. Non mais c'est bien, genre combien? C'est au moins 15. Ah oui, c'est un bon doux, c'est un bon. Oh, ça va, mais non mais c'est bien. Ça va, franchement, c'est bien. Bon, voilà, du coup, va. Maman, bon, comme il a pas un rond le petit là, d'ailleurs il voulait négocier au niveau de l'argent de poche de monter un peu là. Ah, j'ai une question, un peu mais attendez, j'ai une question qui m'intéresse. Sabine? Oui. Est-ce qu'il est sale? Sale. Oui, est-ce qu'il essaie d'esquiver la douche et tout? Ah, il est très propre. Ah, d'accord. Ouais. Il fait comme les chats, là, il se lèche derrière l'oreille. Exactement, ce qui annonce une pluie qui arrive dans pas longtemps, enfin, apparemment, paraît-il. Bon, et du coup, maman, qu'est-ce que je vais dire maintenant, là? Bah, j'ai oublié maintenant, bravo, là, parce que pour lui, il m'a interrompu. Pardon. Avec sa saleté, là. Ouais. Bah, j'ai oublié, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, donc du coup, comme il a pas... Ah oui, vous voulez négocier le tarif à la hausse, là, d'argent de poche. Ouais. Bon, alors, on est à combien, là? Oh, t'as combien d'argent de poche? Non, on fait pas les comptes. Ah, on fait pas les comptes. Eh ben, il faudrait en faire et plus. Oui. Voilà, il faudrait passer à au moins 10 euros. Mais d'abord plus. C'est la crise. L'inflation. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Bon, surtout que là, quand même, grâce à lui, vous allez repartir avec le pack Wonderbox, le coffret plutôt Wonderbox. Ah ouais. I love maman. Vous avez vu comme c'est beau. Ah ouais. Oh, c'est comme sympa. C'est magnifique. Bon, il va falloir choisir aussi. Hein. Il y a des soins spa. Il y a des cours de pâtisserie. Si vous faites ça, par contre, vous pensez à nous. Il y a la croisière sur un petit voilier. Il y a un baptême en hélicoptère, etc. Qu'est-ce que il y en a plein d'autres, hein, cela dit. Hein. Mais il y a un truc comme ça qui te plairait plus, Sabine? La croisière. Petite croisière, d'accord. Non, mais pourquoi pas, une petite croisière sur un petit voilier. Eh ben écoute, pas de problème, on va t'offrir le coffret Wonderbox, Sabine, du coup. Tu me repasses le petit? Oui, merci. Salut, à bientôt, Sabine. Oui. Bon, le doux? Oui. Comment ça se passe au niveau du brossage de dents, là? Tu t'es brossé les dents ce soir? Oui. T'as déjà eu des caries? Non. T'es sûr? Oui. Il est parfait, hein. Ouais, il a l'air pas mal, le doux. Donc tu n'as pas connu la fraise encore chez le dentiste? Si, parce qu'il y avait des plaques dentaires. Ah, il a de la plaque. Attends, mec, à 14 ans, t'as déjà la plaque dentaire? C'est parce qu'il mange son caca, ça. On est arrivé une fois. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, le principal c'est d'avoir tout enlevé, c'est bien. Bon, bah le doux. Bon, dis donc, le truc est parti tout seul, je vous jure qu'il est parti tout seul. Eh, le doux. Le pauvre doux. Quand on est doux, qu'est-ce qui te fait peur la nuit? Bah, rien. Non, c'est un rebelle. Ouais, ouais, bah, c'est quand il pense à Toff. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qui lui fait peur. Et t'as bien raison, mec, t'as bien raison. Bon, bah écoute, on va te laisser là, le doux. Il va falloir aller dormir, là, minuit une. C'est pas une heure d'accord. pour rester réveillé encore un sorcier, là. Salut, JB. Salut. Allez, ciao à toi JB, à bientôt. Bon, et puis on va se faire les teubés de la télé également maintenant, là, ah. C'est parti. Hop là, teubés de la télé tout de suite. On prendra Morgan pour la colle, il y aura Margot, il y aura Manuel, il y aura Jessie dans quelques minutes, notamment pour parler de la première fois. Et puis les teubés de la télé, vous savez qu'on aime bien ce qui se passe à la télé, surtout des émissions merdiques. Enfin, pas merdiques, mais des émissions un peu particulières. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, contre toute attente, une fois n'est pas coutume, on va voir ce qui s'est passé sur Arte. Oh bah alors. Eh oui, car j'ai trouvé un truc pour toi, Toff. Ah, on enfile la housse là-dessus. Normalement, on la met sur un traversin de cette taille et on dort avec. Mais nous, on y a ajouté un vagin artificiel pour pouvoir le pénétrer. On a tout simplement créé une fente à cet endroit. Vous voyez le truc? Ah bah voilà, bienvenue sur Arte. Ah bah oui, moi je savais pas que c'était comme ça sur Arte. Bah voilà. Et puis dans Tout le monde veut prendre sa place, alors ça c'est sur France 2, on a une question un petit peu difficile. Bruno, dites-moi oui. s'il vous plaît, dans une course, quelle place occupe-t-on si on double le deuxième et qu'on est doublé par le troisième? Si on double le deuxième. Et qu'on est doublé par le troisième. Alors cash. Prenez votre temps. Si on est doublé par le deuxième. Vous doublez le deuxième et après vous êtes doublé par le troisième. Ah. Avant-dernier. Avant-dernier. Avant-dernier, ça dépend du nombre qu'il y avait au départ, en tout, quoi. C'est bon, s'il n'y avait que deux mecs qui faisaient la course, là, on peut... Non, c'est un bon piège en même temps, c'est un truc de salaud, ça. Ah oui, là, c'est pas mal. Donc, on est troisième, hein. Ouais. Oui. Bah voilà, ce qui est logique. Bah absolu. Oui. Bon, et puis dans Money Drop, ça sur TF1, on a la famille Bidochon qui cherche l'amour. Bonjour. Ça va, comment ça va? Ça va bien. Alors, quel est le lien de parenté? Je suis le père de Noémie. La fille de mon père. Bravo. Voilà. C'est bien. J'ai au moins le mérite de ça déjà. Noémie, alias Fortuné sans fortune. Voilà. Qui veut l'épouser? La valise est dans le couloir. Voilà. La valise est dans le couloir, hein. Donc en gros, elle est prête à se marier, quoi. Voilà, elle est prête, elle vit avec la valise et tout. Comme quoi, c'est pas tous les jours facile. Bon, minuit 4 sur Fun, il y a Loïc, pardon, qui dit: vous êtes super sympa avec les petits loups pour la fête des mères. Bah oui, mais ils ont pas d'oseille, les petits loups, alors qu'est-ce que tu veux, on file un coup de main. Il y a Stéphanie qui dit: Toff était tout fier avec son miroir en pince à linge, et Mickaël a tout cassé avec son école spécialisée, il m'a tué. Non, mais c'est vrai. C'est juste qu'il faut expliquer les choses, vrai, et tout. Pauvre. Nous, on est francs, nous, on raconte nos lives. Il y a Léouane aussi qui dit: moi, ma première fois, c'était à 14 ans. Et Vladimir Poutine qui dit: je vous écoute depuis octobre, je suis prêt à vendre la Russie pour sauver l'émission au cas où. Ça, c'est gentil, Vladimir Poutine. C'est gentil. Et puis, Candice aussi qui dit: je vous écoute depuis longtemps. Maintenant, j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. C'est quoi ce bordel? Il me faut un coup de pelle. Bah écoute, Candice, t'auras même les deux. Regarde, t'as vu, c'est ta fête ce soir. Voilà. Au PDA. Bon, et puis on va prendre Jessie dans quelques minutes. Jessie, Manuel et Margot, vous êtes là tous les trois? Oui, on est là. Bon. Oui. Allô? Vous êtes en forme? Oui, très bien. Tranquille. Vous avez 5 minutes encore là? Enfin 5 minutes, on va se faire le chéri, je peux te faire copier avec Mélodie et je vous reprends juste après, d'accord? Ok, pas. Bon bah c'est parfait. Bon bah restez là, Margot et Margot qui voulait parler. Tu voulais parler de quoi, Margot, d'ailleurs, toi? En fait, je suis bi et je voulais avoir quelques conseils pour l'annonce à mes parents. Ah bah on va les appeler, Margot, ça va être plus simple. Bah reste avec nous, Margot, on va en parler. Donc si vous êtes bi, si vous avez envie de si vous avez déjà annoncé ça aux parents, tout ça, etc., bah vous nous appelez là. Il y a Manuel également là qui est avec nous. On va parler de quoi, Manuel? Moi je vais parler de ma toute première fois. Très bien. Et donc toi t'appelles d'où? Attends, laisse-moi deviner. Attends. Non, parce que. Oh ça va, je comprenais pas ce qu'il disait. Pourtant, c'est de là que Toff vient. Et c'est d'ailleurs dans cette charmante petite commune de langue flamande oui. que j'ai vécu également toute ma tendre enfance et ma jeunesse. Et donc, pour Sandro, tu viens d'une ville africaine, puisque tu viens de Dilbouek. Dilbeck. Mais il m'a appelé comme ça. Non, il ne peut pas. Il m'a appelé comme ça, il a reculé pas, j'entendais rien. Elle a mis dans le standard D comme Denise, I-L-B-W-E-K. Il m'a dit ça ? Non. Ah non, c'est pas vrai. Si, j'ai dit, là, c'était D-I-L-B-W-E-K. Ah, double E. Merci les gars. Non, mais double E, ouais, mais ça se dit aussi, c'est vrai. Je connais pas double E. Double E, double E, parce qu'il y a E, B. Non, d'accord, ok, je comprends que t'es compris double W. Voilà, voilà. C'est l'enfer au standard, les gars. Oui, c'est ça. Bon, Manuel, tu restes avec nous. On parlera des premières fois, comme avec Jessie d'ailleurs, dans quelques minutes du Mans. Vous restez tous là. On va s'écouter le son de Katy Perry maintenant sur Fun, au cœur de la nuit, sans pub. Et puis on va se faire le Chéri, je peux te faire cocus avec Mélodie dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne nuit, tout le monde. I heard you're feeling nothing's going right. Happy birthday. Le son de Katy Perry à l'instant sur Fun, c'était Happy Birthday. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et puis restez là aussi, il y aura Calvin Harris. Calvin Harris assure avec Summer. Je vous cale aussi avant 1h du mat le son de Pharrell Williams, on l'avait demandé sur le Facebook tout à l'heure. Avec Marilyn Monroe. Et puis si vous avez envie d'écouter un son, bah demandez, hein, surtout n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus ici, il n'y a pas de problème. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. On va se faire d'ailleurs un petit point top tweetos avant d'accueillir le Mélodie pour le Chéri, je peux te faire cocu comme chaque lundi. Alors, quel est le numéro 5 si on arrêtait tout là maintenant tout de suite? Qui serait numéro 5? Christophe. Numéro 4. Mystique. Numéro 3. Fred S34. Numéro 2. Vladimir Poutine. Et numéro 1. Le Bosniakov, mais je pense qu'il y a une erreur. Pourquoi? Bah c'est Vladimir Poutine qui devrait être premier. Ah oui, on a la règle, oui, normal, en tant que bon... En tant que bon dictateur. Évidemment. Bon, si vous avez envie de continuer à faire changer le classement, pour l'instant on a commencé à 23h forcément, reste encore 1h50 d'émission, on n'est même pas à la moitié, tout peut encore changer. Je rappelle que celui qui terminera numéro 1, c'est-à-dire le plus influent, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, celui qui aura le plus posté de messages en mettant le hashtag M-I-K-L dedans, même si vous parlez pas spécialement de l'émission, hein, si vous parlez entre potes, tout ça, vous mettez comme le hashtag Mickaël, ça vous fera monter dans les stats. Et ben vous y allez, et puis le gagnant repartira avec un magnifique sextoy qui vaut quand même quasiment 100 euros. Notamment, il y a un petit œuf vibrant très pratique que vous mettez, donc vous insérez dans votre copine, vous gardez la télécommande, et puis si vous êtes au resto ou au ciné, n'importe quoi, ouais. Puis sinon, s'il y a des goulus, on a le rabbit, hein. Oui, après évidemment, il y a des plus gros modèles qui existent, bien entendu. Bon, donc allez-y, bonne chance, tout ça offert par passagedudésir.fr, comme évidemment d'habitude. Évidemment, comme d'habitude. Bon, allez, minuit 12, on va se faire maintenant le Chéri, je peux te faire cocu. Va-t-il encore se passer du lourd ou pas? Bon, d'habitude, je peux vous assurer que c'est du lourd. La semaine dernière, quand même, il était lourd, mais le mec était quand même relativement... Il était un peu mou du genou. Poli, on va dire. Oui. Poli, malgré la situation. Je rappelle le principe, donc, c'est souvent des meufs qui jouent. La meuf qu'on a au téléphone, en l'occurrence la Mélodie qu'on va accueillir dans quelques minutes, va donc appeler son mec, elle va lui faire croire qu'elle a rencontré un mec, c'est-à-dire Michel, moi, bien sous tout rapport, bien sûr, et que je lui ai proposé de coucher un soir, juste comme ça, un one shot. Et donc, comme elle est gentille, elle propose quand même à son copain, enfin, elle prévient son copain, lui demande son autorisation, et puis c'est là qu'en général, tout part en sucette. Voilà, donc on va accueillir maintenant Mélodie qui est avec nous. Salut Mélodie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. Prêt pour un nouveau Chéri, je peux te faire cocu. On va dire ça comme voilà. Ça. Voilà. Bon, alors Mélodie, le Chéri, je peux te faire cocu ce soir. C'est donc avec toi et on va appeler ton mec. Comment s'appelle ton mec? Il s'appelle Johan. Johan, je rappelle le principe du Chéri, je peux te faire cocu. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, le principe est donc très simple. On va donc appeler, en l'occurrence, ton mec, du coup, Mélodie. Tu vas lui faire croire que t'as rencontré un autre mec, c'est-à-dire moi, Michel. Mais attention, pas rencontré, genre vous êtes amoureux, tu le trompes depuis des semaines. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est que moi qui t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir. Et t'es un peu intéressé, mais malgré tout, t'es quand même maqué. Mais comme t'es une fille bien, tu lui demandes l'autorisation.

Ouais, tranquille. Bon, très bien. Alors, on en parlait puisque c'était les appels de TOF qu'on va faire dans quelques minutes. La moyenne des premières fois, de la première fois en Angleterre, c'est 14 ans. Sauf que, bah, comme en France et en Belgique, c'est 16 ans légalement. On se demande d'ailleurs comment ça se fait que c'est 14 la première fois. La moyenne. Tu sais qu'il y en a qui le font un petit peu plus tôt. Bon, pourquoi pas. Mais de là, en faire la moyenne, c'est chelou quand même. Bah, les Anglais, ils sont un peu spé, hein. Il y a pas à boire, ils savent faire que ça. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. C'est genre le truc. Bah ouais, mais ils picolent tellement après, ça glisse. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon, Jesse, toi, c'était à quel âge la première fois? 13 ans et demi. Oh, ah ouais, putain. Ah ouais, t'es un chaud, toi. Et comment ça s'est passé? Bah, j'avais une copine en vacances. D'accord, mais encore. Elle avait quel âge, elle? Un an de moins. Donc, un an, ouais. Elle avait 12 ans et demi. Ouais. Mais vous êtes merde, vous, enfin, vous êtes des... Le pédophile. Ta gueule, toi. Non, mais attends, non, bah, t'es pas pédophile, puisque lui, il avait 13 ans et demi et elle 12 ans et demi, donc à la limite, c'est pas pédophile. Non, c'est... Mais c'est juste que c'est super tôt quand même. Bah ouais. Et vous étiez prêt ou t'as fait ça juste genre tu l'as fait en mode enculé, t'sais, en mode oui, mode, ouais, ouais, bah, écoute, il parle là d'enculé, hein. Oui, oui. En fait, avec, et puis genre, bah attends, combien de temps, le 7. Oh, mais tu lui as fait un bisou, mais ça compte pas. 5 jours après, j'ai fait, en fait. De quoi? J'étais avec elle et 5 jours après, j'ai fait. D'accord, ok, putain. Ouais, bon, bah écoute. Why not, hein, mais ouais. C'est juste, ouais, c'est tôt, quoi. Avec bon, ton petit zizi comme ça, là, c'est bizarre. Ouais, bah la première fois, bah elle a saigné et tout, enfin c'était chaud, quoi. Ah oui, c'est normal, oui, c'est tout le concept, là. Et elle était vraiment prête ou tu l'as fait à l'enfume, genre, ouais, mais il faut qu'on le fasse, parce que sinon, ça veut dire qu'il m'aime pas, va. Non, elle voulait. Elle voulait. Bon, écoute, attends, on va prendre l'avis de Manuel également, qui est avec nous, 25 ans, à Dilbeek. Salut Manuel. Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va. Bon, tant mieux. Alors toi, c'était comment et à quel âge la première fois? Moi, la première fois, c'était j'avais 14 ans. Ouais. Et c'était dans un café lesbienne. Dans quoi? Dans et... un café lesbienne? Attends, et tu vis sur quelle planète, toi? Sur hein? Non mais, attends, comment ça? C'est quoi un café lesbienne? Enfin, je veux dire, je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Bah, j'étais avec une amie, elle était plus âgée. Et voilà, comme elle était lesbienne, elle voulait que je l'accompagne et je l'ai accompagnée, voilà. T'es d'accord. Pas Et du coup, tu t'es tapé une meuf, ou un mec? Et je me suis tapé une meuf de 27 ans. D'accord. Et toi, t'en avais combien, toi? 14 ans. Bien sûr. Non, attends, et puis, il y avait Robert De Niro qui joue aux cartes derrière avec Bruce Willis. Non, mais Manuel, on va pas quand même gober ça. L'autre, elle avait 27 ans, elle s'est tapé un petit gamin de 14. Oui, mais à 14 ans, je faisais... 2m50. 18 ans, quoi. 18 ans. Pourquoi pas? On n'a pas la preuve du contraire et je vois pas pourquoi tu racontais des conneries, mais ça me paraît improbable quand même. 27 ans, l'autre elle en avait 14. Enfin, toi t'en avais 14. Oui. C'est le genre de truc qui arrive que dans les films, normalement, tu vois. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, en général, ça n'arrive pas en vrai, ça. C'est comme les trucs, t'appelles le plombier ou t'appelles. Enfin, bref, n'importe quoi. Et puis, tu sais, genre la meuf, elle arrive et elle commence à se dessaper, elle commence à te pomper, tout ça. Ça arrive que dans les films, voir les films de boules. Quand tu vas voir le médecin ou tout ça, ou quand t'es à l'hôpital, tu t'attends toujours à avoir une bombe d'infirmière. En fait, c'est toujours une espèce de. Mais oui, toujours un drame. Violace, elle est là, elle te parle comme ça, qu'est-ce qu'il a? Eh ben qu'est-ce qu'il a? Bah ouais, mais j'ai mal. Ah bah il a mal. Bah oui, il aurait pu se laver le bras, hein, mais je saigne. Mais c'est comme les hôtesses de l'air. C'est rare qu'il y ait des hyper mignonnes. Ouais. Ou alors ouais, bon, fut un temps elles étaient mignonnes, mais bon là elles sont un peu plus âgées. Mais ça devient hyper rare. Avant c'est vrai que je me souviens quand j'étais petit, t'avais des hôtesses de l'air, je trouvais. J'avais l'impression que jeunes. Ouais, au début elles s'étaient castées sur leur physique. Hein. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais bah aujourd'hui c'est toujours les mêmes castées du physique, mais elles ont pris de l'âge. Ah oui, quoi. Oui, c'est ça. Alors pardon, si vous avez bien remarqué, les compagnies américaines elles sont souvent chum. Elles sont vieilles. Ouais, sur le déclin, elles sont sur le déclin. Elles sont souvent vieilles. Air France. Il y a 2-3 bombes. Hein. Ouais, mais enfin, je me suis branlé ouais. Une ou deux fois là sur. Ouais, non, c'est ça, Air France, il y a déjà la nouvelle génération qui arrive. Alors, si vous voulez voir des bombes de meufs, prenez Brussels Airlines. Non. Non, c'est comme Air France, c'est moitié-moitié. C'est ça dégueu, elles sont dégueu. Allez sur Etihad. Etihad, ouais. Qui est une compagnie du Moyen-Orient là de. C'est les Émirats, non? C'est les Émirats Arabes. C'est un truc de malade. Il y a des blondes, des brunes, des métisses, des asiatiques, tout ce que tu veux. Après, il faut les moyens pour aller chez Etihad. Non, c'est pas cher. Il y a Kate aussi qui a des bons. Ouais, voilà, c'est encore pire. C'est encore pacifique. Pire. Encore plus que moyen là. C'est... Mais c'est des beaux bons. Mais quand je te dis bombes, c'est. Tu sais pourquoi tu payes? Ah bah oui. Non, mais d'accord. Mais bon, et si tu prends la business class, tu as moyen de dormir avec la petite ou pas? Avec l'hôtesse? Je sais pas, mais il y a des chambres chez Kate. Oui, bah je sais. Je pense que si. si t'as un beau parleur et que tu négocies bien, il y a peut-être moyen. Mais attention, il y a des chambres chez Air France aussi. Hein. J'ai reçu un mail. Ah. Je reçois un mail d'Air France. Ouais. Le mec, il m'envoie un message. Oui, machin, nos nouvelles cabines, éco, business, la première. Venez voir, profitez d'une offre exceptionnelle. Les nouvelles cabines. Bon, je clique, je vais regarder par curiosité, puisque j'adore les avions. Je vais voir. Alors, en effet, t'es bien hein, dans la classe, la première chez Air France. T'as aussi une petite cabine fermée avec un petit rideau. T'es complètement couché, matelas, tout le bordel, tout ce que tu veux. Cool, ça. Massage et tout. Tu sais, je me dis, bon, je vais regarder. Tu vois, il me proposait une offre. À votre avis, combien coûte hein, Paris-New York en la première chez Air France? Je sais pas. Moi je dirais au moins cher, au moins 6 ou 7 000. Ouais, donc ça c'est en business. Et donc la première. 10 000. 12 500 euros ah, oui, pour faire un aller-retour. Ah, il y a l'aller-retour. Ouais, ah, bah, oui. Moi je parlais que de l'aller. Ah bah non, mais attends, mais oui, bah c'est ça, c'est l'aller. Non, oui, non, bah oui, 12 500 euros pour un billet d'avion. Hein. Alors on peut. Attends, franchement, moi on me met avec deux putes à côté dans un bain de boue. 12 000 euros quoi. Non mais attends, faut quand même pas dégager. Encore avant avec le Concorde t'arrivais vite. Mais là t'arrives en même temps que le mec qui a payé 300 euros qui se trouve certes à l'arrière de l'avion, mais il arrivera en premier. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non mais tu vois, c'est 12 500, c'est un truc de ouf. C'est violent ouais. Franchement, même si j'étais blindé, je pourrais pas donner 12 500 euros pour un billet d'avion. Ah si, moi je. Oh, non, moi je pourrais pas. J'aurais une pute de l'Est là, je me ferais pomper là dans l'avion. Juste, enfin, à 12 500 euros, est-ce que au final ça ne t'en vient pas à la fin moins cher d'acheter ton avion? Bah non, parce qu'un A380, mais il va falloir... Non mais d'accord, mais d'accord, un A380, mais t'es pas obligé... Des calculs de top, on appelle la musique des calculs de top. Je pense qu'effectivement, sur plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, effectivement, attends, je pense que t'as rentabilisé ton A380, mais... Non mais d'accord, mais t'achètes pas un A380 attends, pour voyager tout seul. Si, on va faire le calcul avec la musique de top, une petite musique de top. Ah, d'accord, ok, bah alors pas de problème, attention. Non mais à raison d'un voyage par semaine, oui, à 12 000 euros, si tu voyages avec ta femme, ça fait déjà 24. Enfin, en même temps, qui part une fois par semaine? Bah, il y a des mecs qui font ça une fois. D'accord, mais pas à 12 500 euros la place. Enfin, l'aller-retour. Oui, mais alors bon, sinon, enfin, je comprends pas le principe du truc. Je comprends pas le principe de la question du principe mais du non, truc. Mais non, parce que là, on est en train de se dire, si le mec il fait le voyage souvent, ouais, on se dit, est-ce que ça vaut pas moins cher d'acheter son avion? Oui, et toi, tu me dis, ouais, mais tout le monde le fait pas. Mais pas tous les jours, pas spécialement une fois par semaine. Bah, même une fois par mois. Bon, Manuel, est-ce que si t'étais blindé ta race, est-ce que tu pourrais comme ça claquer 12 500 euros pour faire un simple aller-retour, certes, hyper bien installé, confort et tout, alors que pour 500 euros, t'as le même billet, quoi. Enfin, t'es en classe éco, je veux dire, tu fais le même avion, quoi. Non. Putain, même si t'es blindé, moi, je pourrais pas claquer 12 500 boules, quoi. Parce que ça s'adresse à des gens pour qui 12 500 euros, c'est oui, oui, comme c'est 120 vrai. Euros pour toi. C'est ça, même pas, ça doit être pour ces mecs-là, ça doit être 1 euro. C'est dans le Loup de Wall Street, dans le bouquin, donc pas dans le film, et le mec, il a oublié un truc à New York, et donc le mec, il fait le calcul en faisant le ratio entre ce qu'il gagne et le fait de louer un avion privé pour faire venir le truc, et il dit, ouais, c'est comme si un mec normal dépensait 10 dollars. Il envoie son secrétaire même, c'est celle-là, ouais. Ouais. Il lui prend la tête et il l'envoie. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est des gens mais blindés. Mais c'est vrai qu'effectivement, si t'as des centaines de millions sur ton compte, 12 000 euros en plus ou en moins. Tu verras même pas. Tu verras. Non, c'est vrai, tu vois pas la différence. J'étais blindé. C'est comme aujourd'hui, t'as un compte en banque, t'as 1000 euros dessus, il y a 5 euros qui partent. Bon, c'est pas grave. Bah, si on prenons un exemple concret qui nous touche de près. 100 euros. C'est pas. Si t'as 50 euros qui partent tous les mois, tu sais pas pourquoi. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu cherches pas à savoir. Hein, voilà, c'est ça. Hein, puisque je rappelle pour l'histoire, pour ceux qui étaient pas là, elle s'est quand même rendue compte après un an qu'il y avait un connard qui lui débitait 50 euros sur son compte, et ce connard n'est autre qu'une salle de sport où elle n'a jamais mis un pied. Enfin si, pour s'inscrire, pour l'inscription, et puis voilà quoi. Et un an après, elle se dit, putain, il y a un connard, il m'a quand même pompé 600 euros sur l'année. Et mais tu sais pourquoi? Parce que c'est la frayeur d'aller regarder son compte en banque. Ouais, c'est ça, c'est comme la seule meuf qui a peur d'aller voir son compte. Mais en fait, quand elle va voir son compte en banque, vous l'avez jamais vu, vous, elle a de l'ail, elle a un crucifix. Ouais, c'est ça. Et ouais. Elle fait des incantations religieuses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est, tu sais, c'est clair. Non, mais voilà, c'est clair. Il y a Jordan qui dit 12 500 euros pour un trajet, c'est chaud. Bon, là, c'est un aller-retour pour le coup, mais quand même. Jérémy qui dit, pour les hôtesses, faut prendre Vueling. Il y a des hôtesses là? Ouais, si, ouais, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, c'est des espagnoles, pas. Elles sont. Parfois elles sont pas mal. Et il y a Frélès34 qui dit 1500 euros pour un billet d'avion, c'est pas donné. Oui, alors, c'est pas donné. Bah, alors ça dépend où tu vas. Si tu vas en Australie, t'attends pas à avoir moins cher, mais ouais. Je veux dire, après, ça reste encore un prix abordable, entre guillemets, mais 12 500, faut quand même pas déconner. Et alors, un message aussi qui est arrivé, Yacine qui dit, Mickaël, une petite musique d'anniversaire, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Bah, donne-nous plus d'informations là, on sait même pas si c'est pour toi, quel achat, etc. Bah oui. Christophe qui dit 12 500 € pour l'aller-retour. Même riche, je voudrais pas. Mais ouais, mais comme on dit, c'est vrai que nous, on calcule parce qu'on a des, salaires normaux, tu vois. Mais effectivement, les mecs qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois ou qui ont des centaines de millions sur leur compte en banque, 12 500 €, effectivement, c'est comme si je donne un euro à Polo pour aller me chercher un coca, quoi. Non, mais voilà, regarde les mecs qui prennent des suites dans les palaces parisiens à 12 000 et 50 000 euros la nuit. C'est clair. Qu'est-ce que c'est 12 000 €? C'est clair. Et toi, tu ferais Jessie ou pas, toi, si t'étais hyper blindé? Mais genre hyper blindé, hein, pas si t'avais 100 000 € sur ton compte, hein. Hyper blindé. Genre tu gagnes l'euro million là. Ouais, tu gagnes l'euro million, t'as 100 millions qui tombent sur ton compte. Moi, tu sais, attends, je pose la question à Jessie. Ah, moi, je sais ce que je fais, moi. Jessie. Oui. Est-ce que tu, si t'avais 100 millions d'euros sur ton compte, est-ce que tu serais capable de claquer 12 500 € pour faire un aller-retour à New York en classe, hyper classe, machin, Air France, la première, ah, truc ouais. Oui, ouais, bah oui, y a pas de problème. Attends, tu le ferais. Et toi, Emmanuel, non, hein. Non. Et toi, Jawad? Non. Non plus. Et toi, Margot? Non plus. Et toi, Claire? Mais vous dites ça maintenant, hein, parce que le jour où vous les avez, je suis sûr que vous le faites. Hein. Je sais pas. Et toi, Morgane? On est blindé. Non, je pense pas, non. Faut quand même avoir la valeur de l'argent. Bah oui. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul. Il y a que Jessie qui dit ouais. Millions. Tous les autres ont plutôt tendance à dire non. Bon, bah écoute, très bien. Non, je fais le tour. De quoi? Sur 2 millions d'euros, 2 500 €, c'est rien. Bah, c'est ça aussi, mais c'est vrai. Non, mais peut-être. Après, je dis ça aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, si j'avais 100 millions, que je gagnais l'euro million, peut-être que je me dirais, mon branle, tu vois, j'y vais. Alors moi, j'y vais tout de suite. Je fais hop, aller-retour, je reviens. Et je loue et je chie dessus. De toute façon, s'il a 100 millions d'euros, il crame tout. En un an, il est ruiné. Je suis sûr. Mais non. Je suis sûr que t'es ruiné. Tu pourrais même pas, enfin, à moins vraiment que tu t'achètes vraiment que de la merde, mais 100 millions. Mais lui, il invente des billets. Il inventerait des billets de 10 000 euros, il mettrait dans les strings des meufs New York et à Miami, dans les bars à Street Cheese. Je serais dans un bar toute la journée, je lancerais des billets. C'est ça. Je suis sûr qu'il crame tout. Même en dépensant l'argent que dans des hôtels, des avions, des putes et de la bouffe, je suis pas sûr que 100 millions tu les claques en un an. Monsieur, attends, bah ça c'est un défi, moi, mets-moi au défi. Et bah teuf, donne-moi 100 millions et bah voilà. Tu m'as mis au défi. Donne-nous 100 millions à chacun, on verra lequel arrive à cramer le premier. Appelle le boss de Fan Radio là tout de suite, on va lui demander. Ouais, comment te dire que c'est pas gagné. Bon, bah merci Jessie, merci Manuel en tout cas d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Y'a un moyen de passer une dédicace? Bah vas-y Jessie, y'a une personne, choisis la bonne, hein. Bah je passe une dédicace alors à Alice qui est avec moi, à Florel, à Sophie, à Étienne, à Dimitri. Personne Jessie, qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne? Une personne? Oui, bah là c'est trop tard, maintenant tu les as déjà toutes faites, donc je pense qu'on a. On a fait le tour, hein. Jessie, voilà, je pense que c'est ça. Même moi j'ai mis le temps, tu sais, avant de percuter, que le mec qui est en train d'enchaîner. Bon Jessie, Emmanuel, merci à vous en tout cas d'être passé. On embrasse Le Mans, on embrasse Bruxelles. Ouais Manu. Est-ce que je peux avoir un coup de pelle et je peux avoir un pack FM? Un pack FM, ça tu l'auras pas, je te le garantis, c'est certainement pas ici que tu vas le trouver. Mais un pack fun, ouais, si tu veux, ça c'est pas un problème. Non, non, rien, c'est pas, je me suis mal exprimé. Mais c'est pas grave, et le coup de pelle tu l'as eu aussi, tiens. Salut Manu. Salut, bye bye. Ciao à toi. Bon, on va donner la réponse à la colle de Morgane dans quelques minutes. On va faire les appels de Toff aussi, on est un peu à la bourre là. Et puis on va se faire le son au cœur de la nuit sans pub de Pharrell Williams. Pharrell Williams qu'on écoute maintenant à 1h moins quart du mat, on est en mode à la cool là. Pharrell Williams, c'est Marilyn Monroe. Et puis il y a Florian qui dit il y a Emirates aussi au niveau des bonasses, au niveau des hôtesses. Bonnes hôtesses. C'est vrai, sur Emirates c'est pas mal. Ou même sur. Merde, j'ai oublié le nom, tiens, je trouverai. This one goes out to all the lovers. Allez, minuit 48, c'était le son de Pharrell Williams sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël, nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et avant de récupérer tout le monde, là, et avant de continuer à lire tous vos messages qui arrivent avec le hashtag et Mickaël, et sur le Facebook de l'émission, n'oubliez pas, vous tapez Mickaël officiel et vous nous rejoignez, pareil sur Twitter et Instagram, et également sur la chaîne YouTube, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, et Mickaël officiel. Si vous vous abonnez, je m'abonnerai également à la vôtre. Voilà, comme ça c'est un bon deal. Si vous voulez gagner des abonnés, puis nous aussi dans les instances, hein, bah vous tapez Mickaël officiel. Et puis ça marche en win-win. Voilà, donc vous vous abonnez, je m'abonne à la vôtre également. Avant de récupérer donc Jawad, Fred, Margot, Claire également. Et puis avant de donner la réponse à la colle de Morgane, eh bien on va se faire les derniers, les appels de Toff tout simplement. C'est pas les derniers. Mais non. On y va puisque on s'est rendu compte qu'en Angleterre l'âge moyen de la première relation sexuelle c'est 14 ans. Sauf que comme en France et en Belgique, eh ben la légalité est de 16 ans. Oui, ce qui est quand même bizarre. Ce qui est assez particulier effectivement. Donc grâce au numéro de téléphone que nous avons envoyé sur le mail de Toff comme tous les soirs, toph@funradio.fr, eh bien nous pouvons continuer à téléphoner à toutes ces charmantes personnes. Par exemple, j'espère qu'on tombera sur encore un bon client. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à minuit 49, un peu à la bourre, certes. C'est parti. Oui. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est qui? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Comment appeler? Non, je m'appelle Toff. Ben, vous êtes trompé, oui, moi je... Non, je me suis pas trompé, monsieur, je vous appelais parce que je voulais savoir à quel âge vous aviez fait l'amour pour la première fois. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Ben, je voulais savoir à quel âge vous avez fait l'amour pour la première fois, monsieur. Ben, moi, je n'ai pas de monde, rien de tout. Non, qu'est-ce que racontez-vous? Ben, je veux savoir à quel âge vous avez fait l'amour. Vous êtes trompé. Mais non, pas du tout, monsieur. Comment non? Mais non, je me suis pas trompé, je veux savoir à quel âge vous avez fait l'amour pour la première fois. La montre. Non, l'amour, monsieur, le du sexe. Ah, oh, putain, c'est pas gagné. Hein. Eh ben, c'est pas gagné, moi, je vous le dis. Le montre. On va le rappeler. Le montre, c'est pas la montre, c'est l'amour. Oui, je m'excuse, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Mais non, mais vous, à qui vous appelez-vous? Ben, moi, je vous appelle vous, monsieur. Ben, vous, qui? Ben, vous, le monsieur qui décroche le téléphone, monsieur. Ben, allez, arrête, je vous appelle la police, hein. Mais pourquoi vous l'appelez à la police, monsieur? Allô? Ah, on est chez un Italien, apparemment. Hein. Ah, j'ai bien reconnu sur la fin, je crois que c'est Italie. D'accord. Sans certitude, mais je pense. On va le rappeler, attends. Hop là. C'est parti. J'essaie de lui demander. Bah, oui. Allez. Mais, c'est bien, qu'est-ce que tu vas dire? Vas au Star-Yap. Ah bah non, monsieur, allô? Ah, quoique, peut-être que pas. Ouais. Non, parce que je pense pas avoir reconnu de l'italien. En revanche, je ne sais pas ce que c'est comme langue. Si jamais vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à nous dire. Ne faites que par. Surtout ce qu'il a dit à la fin, ça va l'air charmant. Oui, voilà, c'est ça. Et puis à titre informatif, qu'est-ce que c'est comme langue? Voilà, comme ça on se couchera moins con, on sera bien. Il y a Maxime qui dit, si tu calcules 8 heures de vol, 2 pipes par heure, ça fait 780€. Moi je dis ça les vaut. Oui, pourquoi pas. Vu Nadia, comme ça, d'accord. Nadia qui dit, par contre, avec 12 500€, c'est shopping et augmentation de la poitrine. Un rêve auquel j'accéderai. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite, Nadia. Et Florian qui dit, salut toute l'équipe. Petit message de bienvenue, ne changez rien, je vous écoute tous les soirs, vous êtes géniaux, merci beaucoup, c'est gentil. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Voilà, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel, comme je le dis à chaque fois. Et Malika qui dit message de bienvenue pour un doux non officiel ou un coup de pelle. Eh ben, je vais te mettre un petit coup de pelle, tiens. Voilà pour le doux non officiel. Continuez avec vos messages qui arrivent, évidemment, comme tous les soirs, en masse et de plus en plus nombreux. Je vous calerai dans quelques minutes le son d'Avicii. Ça va être bon, ça. Lay Me Down sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub. Et puis à suivre également Mr Probs avec Waves. Et on se calera aussi avant de partir là tout à l'heure, bon, on a encore le temps, hein. Avant de partir, le son que Sandro et Polo chantent avec en gueulant dans les couloirs. Allez, madame Babochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, madame Babochko, et vos gosses me kiffent, madame Babochko, oui. Parce que Polo aussi a eu une madame Babochko dans sa jeunesse. Ah bah, il en a eu plusieurs, lui. Ah bah hein. Oui. Oui, c'est vrai, elles m'ont tous souhaité la mort et exactement. De rater ma vie, je n'irai nulle part. Et il y a eu même un monsieur Babochko qui lui a dit qu'en radio, il ne réussirait jamais. Ouais, et beaucoup de gens le connaissent. Et voilà. Non, il a dit, alors je le salue parce que je l'aime beaucoup. Monsieur M, il a dit, écoutez-moi bien, écoutez, vous allez réussir dans la vie, mais pas dans la radio. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était Monsieur M, Black M, hein, donc hein, c'est lui. Hein. Voilà, White c'est ça. M. White M. Bon, on va prendre Jawad pour parler des premières fois. Jawad avec nous des Pyrénées-Orientales. Jawad, t'es là? Salut Mika. Ça va bien? Oh, tranquille, et toi? Bon, très bien Jawad. Alors, toi, la première fois, ça s'est passé comment et quand? Bah, en fait, j'avais 12 ans et... C'est pas grave, hein, Jawad, hein. Hein? Je dis, c'est pas grave, hein. Enfin, c'était à l'hôpital. Ah, d'accord. Comment ça, c'était à l'hôpital? Bah, en fait, j'étais en désintox. Ouais. Et, Attends. Jawad, t'es mort. Désintox de quoi? À 12 ans? Hein? Du biberon, c'est ouais, ça? Un désintox pour stupéfiant. À 12 ans? À 12 ans? Ouais. Ah oui, t'as pas traîné, mec. Ah oui, toi, t'as démarré directement. T'as démarré tôt, là. Bah ouais. Bon, et puis ? Et j'ai parlé un peu avec elle et tout, et elle avait. Et quoi, elle était en désintox aussi ? Hein ? Elle était en désintox aussi ? Ouais. Ah bah voilà un couple qui est marvé, hein, tiens. Ouais, bah, au moins, tu sais, ils ont pu partager leurs expériences. Ah ouais. C'est quoi, toi ? Bah, moi, j'ai essayé ça, quoi, c'est pas mal. Bah, si tu veux, je peux l'avoir moins cher, tu vois. Elle avait quel âge, elle ? Elle avait 16 ans. À 16 ans ? C'était un plan cul. D'accord, ah bah ouais, oui, non, mais bah d'accord, oui. Non, mais je plaisantais, Jawad. Bon, et puis ? Et en fait, c'était une grosse salope dans son village. Et du coup, c'était une grosse salope à l'hôpital aussi. Ouais, voilà. Et quand je lui dis, ouais, tu veux sortir avec moi, parce que j'étais un gamin encore. Et elle m'a dit, ouais, tatati, et après, on est dans la chambre, et je lui vidais les couilles. Et ça y est, tu l'as pécho. Oh là là. Ouais, bah, ça a duré 5 minutes, hein. 5 minutes, ça y est, j'étais KO. Ouais, oui, bah, j'imagine bien, ouais. C'est quoi l'histoire des couilles, là ? Je l'ai vidé. Ah, tu t'es vidé les couilles. Ouais, bah, elle m'a vidé les couilles, il a dit, d'accord. Oh là là, mais ah, ouais, t'es sérieux là ? Non, non, mais écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et en fait, le délire, c'est que à un moment, on était dans la chambre et il y a un infirmier qui est rentré. Et il a tout vu ? Et voilà, et il m'a pris, il m'a mis en chambre d'isolement. Sans déconner, bah oui, forcément, t'es en train de taper notre meuf à l'hôpital. Mais, c'est et pas il t'a donné ça. Des mouchoirs ou pas ? Il m'a mis pas dans la Bah, tu peux finir quoi. Bah ouais. Bah oui. Bon bah merci Jawad en tout cas. Il m'a mis pendant 16 heures en chambre d'isolement. Oh putain. Hey, Jawad, ça va mieux aujourd'hui j'espère là. T'as arrêté de les conneries. Bah bien sûr. Bon ça va alors, parfait. Ça roule. Bon bah Jawad, passe une bonne soirée. Merci d'avoir appelé hein. Je peux passer une petite dédicace. Eh bah vas-y bien sûr hein. Vas-y. En fait, j'ai envie de faire une dédicace un peu bizarre. C'est une très très grosse dédicace à mon chien. Ah ton chien, comment il s'appelle le chien ? Mon chien il vient de crever il y a 2 semaines. Oh, et je l'aime. Et comment il s'appelait le chien ? Il s'appelait Bibou. Bibou. Oh. Eh bah très bien, mais Bibou. Hey, attends, Jawad, c'était quoi comme Bibou si tu nous entends. Et c'est ça. Jawad, tu veux pas faire un one man show parce que tu me fais beaucoup rire en fait. C'était un quoi Bibou ? Ah ouais, et au fait. Ouais. T'as vu le mec que vous avez appelé ? Quand ? Il a parlé en arabe. Ah c'était de l'arabe ? Bah oui, c'était de l'arabe, ça se voit, il avait un accent du blaise celui-là. Oh putain, bon, je veux pas crapter du coup. Ah ouais, alors. Mais j'aurais pas. Oh non, j'aurais pas misé. C'est un gros blédard, c'est un clandestin. J'aurais pas misé là-dessus du tout, mais bon. Ah bah d'accord, bah, je me coucherai moins court. Bah merci pour l'info, Jawad. De rien, il y a moyen d'avoir un pack fan. Ouais, tu vas gérer ça, je te repasse 100 euros sans problème. Salut Jawad. Merci. Allez, à bientôt. Ciao à toi, Jawad. Bon, Morgane, ouais, on va se faire la réponse à la colle. Putain, je suis en retard. Je vais m'en mettre une d'ailleurs. Oh oui. Voilà, hop, ça y est. Note, t'as de la chance, Morgane. Plus on appelle tard, moins il y a de chances que ça décroche. C'est ce que je me dis, mais bon. Hein. Moralité, plus t'as de chances de gagner le cadeau. Le principe est simple. T'as balancé une colle depuis tout à l'heure, Morgane. Les gens pouvaient répondre sur par SMS sur le Facebook de l'émission. Et donc, la personne qu'on va appeler maintenant, si il ou elle décroche et répond à ta question, elle gagne, tu perds. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne. On y va, c'est parti, Morgane. On appelle, je te souhaite bonne chance, évidemment, pour bien faire pour toi, faut que ça ne décroche pas, ou que la réponse soit mauvaise, évidemment, pour repartir avec la GoPro Hero 3 Plus. Allô ? Allô ? Oui. Bon. Oui. Bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun, comment tu t'appelles ? Victor. Victor, t'as un doute, toi, Victor, non ? Bah, non, oui. Entre Victor qui parle comme une meuf et Morgane qui parle comme un mec, moi je m'en sors plus. Hein. Bah Morgane c'est un mec, donc c'est normal. Je suis un mec. Bon, Victor. Oui, mais justement, c'est pas normal. Victor, t'as quel âge ? 13 ans. Et qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci ? Bah oui, c'est pas normal. Ta mère elle est au courant ? Non. Ton père il est au courant ? Bien, ça tombe bien car elle est là. Eh ben voilà. Bon, c'est pas grave. T'as été tiré au sort, t'as répondu. Morgane, fais péter la colle. Je suis divisé en deux, je suis indispensable pour vivre. Qui suis-je ? Alors, je suis divisé en deux, je suis indispensable pour vivre. Qui suis-je ? Bah on t'écoute. Le terre. C'est ça, ouais. Eh ben voilà. Oh putain, Morgane, toute cette attente pour rien. Ah bah là, je suis aigle. Ah ouais, là, c'est la merde, là, ça c'est la passera. Merde. Et le doux, il a raflé la GoPro, là. Hein. Hop, GoPro Hero 3 Plus. Sous le nez de Morgane, là. Parce que les doux sont comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Le talent des doux. Il était là en embuscade. Voilà. Et paf, ça y est, il l'a chopé. Du haut de sa douceur. Bon bah, bravo le doux. Merci. Bah avec plaisir. Et tu vas aller au lit directement après, je compte sur toi. Hein. Sandro va prendre tes coordonnées et après, hop, au lit. Hein. Ouais, d'accord. Bon, allez. Salut Ledoux. Salut. Ciao à toi. Bon, bah Morgane, bah désolé pour toi, mais bah c'est la règle du jeu. Hein. Tu nous rappelles quand tu veux. C'est ça, c'est normal. Hein. Bah oui, écoute, c'est comme ça. Hein. Tu nous rappelles quand même quand tu veux, Morgane, d'accord ? Ok, très bien, ça marche. Salut à toi, à bientôt. Tu te passes un message ? Eh bah vas-y, Morgane. Je voulais remercier mon frère qui m'a attendu depuis tout ce temps pour m'écouter et voilà. Ah bah très bien, mais il va être fier de toi, tiens. Tu repars que dalle. Bravo. C'est bien, bravo. Salut Morgane. Bon allez, salut. Ciao à toi et passe une bonne soirée. Merci d'écouter Fun. Il y aura Margot dans quelques minutes qui est bi et qui voulait l'annoncer à ses parents. Elle voulait en parler. Il y aura Claire également dans quelques secondes. Et puis bah toujours au cœur de la nuit sans pub hein. On va se mettre bien maintenant avec le son de Mr Probs sur Fun Radio et Waves. Et il y a Yacine qui dit c'est mon anniversaire aujourd'hui, je fais de mes 22 piges, s'il te plaît, une musique d'anniversaire, ce serait sympa. Et ben je te la mets. Alors attends, je vais arrêter le son de Mr Probs là, je te la mets maintenant, sinon je me connais, je vais oublier. Oh, voilà. Oh, oh, oh, oh. Bon anniversaire à toi Yacine. Oh, oh, oh. Voilà. Et on va se la mettre jusqu'au bout. Voilà. Allez, 1h du mat sur Fun Radio. La bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limite. On est là de 23h à 2h. C'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs de la semaine. Le dimanche de... Prévenez vos potes. Je compte sur vous. Mr Probs, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. On va chiller avec le son de Waves. My face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... Radio 1h03, il y a Damien qui dit salut à tous, dédicace à tous les chauffeurs de la Night, groupe Facebook routier de la Night. Wow. Bah voilà, bah vous pouvez aller les rejoindre si vous voulez. Maxime aussi, salut l'équipe, je suis parti pour faire une nuit blanche pour finir mon rapport de projet que je dois rendre jeudi et je suis en retard. Est-ce que je pourrais avoir un message de motivation s'il te plaît Mickaël? Bah écoute, je vais voir ce que je peux faire. Alors attends, attends, attends, attends, attends, un petit message de motivation, qu'est-ce que je pourrais te mettre? Où celui-là était quand même bien violent, mais ça n'a rien à voir avec toi, bien entendu. Hein. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui souffre. Plus au portier, t'as compris, enculé. Voilà, c'était évidemment adressé à Toff, bien entendu. C'est tous des messages isolés de gens qui insultent Toff, bien entendu, gratuitement, je tiens à le rappeler. Bon, Margot est avec nous dans la Sarthe. Ah. Margot. Oui. Tiens, dis-moi, Margot. Oui. Il y a des Américains qui ont encore fait fort. T'as déjà été aux États-Unis ou pas? Non. Non. Eh ben, quand le jour où t'iras, si jamais t'as envie d'aller un jour, hein, eh ben, tu vas voir qu'il y a plein de trucs assez surréalistes là-bas. Et donc, je sais pas si vous le saviez, mais il y a de plus en plus d'États qui légalisent la consommation de cannabis aux États-Unis. Oui. Et du coup, il y a un nouveau produit qui vient de sortir, s'appelle le Nutella, qui vient d'être mis en vente. Et donc, c'est comme du Nutella, mais avec du cannabis. Voilà. Donc du coup, je me demandais si vous pouviez par exemple faire un produit avec un goût particulier, genre de la glace au wasabi, du 7-Up Mojito, qui existe, hein. J'en ai pas vu. C'est un auditeur qui m'a envoyé la photo d'une bouteille de 7-Up saveur Mojito. Je me suis dit, putain, j'ai essayé de trouver, je sais pas quoi retrouver. Donc si vous savez dans un magasin que ça existe, n'hésitez pas à me donner le nom du magasin que j'aille voir. Glace au wasabi, j'ai vu aussi des glaces au Mojito hier. Ah. À la pompe essence. C'est original. Moi, il y a un truc qui me ferait rire parce que je le ferais à Toff, je le mangerais pas, mais c'est une glace au caca. Ouais, pourquoi pas, ouais. Hop, comme ça on lui mettra dans sa gueule. Bah, il va la manger si c'est gratuit. Ah, bah oui, mais bah, bien c'est sûr. Très bon. Et qu'est-ce que vous feriez donc si vous pouviez justement faire un truc avec un goût en particulier? Une idée comme ça, un kiff que t'aimerais bien voir Oui. Oui, Margot, non? Non. Alors oui ou non? Parce que tu dis oui, puis après tu dis non. Donc je sais pas très bien à quel moment tu as dit oui, à quel moment tu as dit non et pourquoi? Et non, comment? Pas forcément, j'ai pas forcément un kiff. T'as pas forcément un kiff en particulier. Moi, je mettrais bien un petit burger en Mojito. Ah ouais. Ou du coca goût carotte. Du coca à la mélange carotte. De merde. Ouais. Les mélanges de merde. Est-ce qu'on peut savoir où est Toff? S'il m'entend dans les couloirs, il y a un moment, c'est dans le studio qu'il faut être et pas dans le couloir. Voilà. Il fornique. Oh, certainement. Ouais. Jérémy Titi qui dit, moi j'ai prévenu tous mes collègues qui vont écouter tous les soirs. Ça, c'est bien, Jérémy Titi. Et puis Stéphanie qui dit, du Nutella au cannabis, putain, je veux goûter. Bah écoute, c'est dispo aux États-Unis apparemment. Ici, hein, donc, je crois que c'est illégal. Hein. Ici c'est illégal, hein, je te le confirme. Ouais. Bon, Margot, toi là-bas, tu nous appelais donc parce que tu étais tu voulais l'annoncer à tes parents. Ouais. Bon, ma première question c'est, pourquoi veux-tu l'annoncer à tes parents? Parce que en gros... Mais en plus, ouais. Non, mais qu'après tu sois homosexuel et tu veux l'annoncer à tes parents, soit. Mais être bi, ça change quoi? Enfin, tu vois. Bah, c'est pour les préparer à l'alternance. Mais non, mais c'est pas comme si t'allais voir tes parents. Enfin, tu vas pas voir tes parents parce que t'as pratiqué une nouvelle position sexuelle. Ah, ouais. Maman, aujourd'hui j'ai fait la levrette. Je me suis fait sodomiser. Non, mais tu vois, je comprends pas. Ouais. Je vois pourquoi. Pourquoi c'est indispensable de l'annoncer aux parents? Surtout que si tu nous appelles, c'est que ça risque d'être plutôt tendu. Mais c'est ça qui est bon, c'est pour ça qu'il faut qu'on les appelle. Mais non, mais attends. Hein, Margot? J'aime pas trop cacher des trucs à mes parents. Enfin, mais tu caches pas, là. C'est pas comme si tu mentais. Quand tu vas acheter... aujourd'hui, t'as fait quoi ta journée? Pas grand-chose, j'étais en cours ce matin. Voilà. T'as été en cours, et en cours, il s'est passé un truc? Non. T'as posé une question? Non. T'as répondu à une question? Non plus. Non plus, t'as été aux toilettes? Ouais. Bon, et t'as appelé ta mère pour lui dire que t'as été aux toilettes? Bah non. Et bah voilà. Et ça tu vois, non mais j'exagère, tu vois, c'est juste pour. Mais oui. C'est juste pour te faire comprendre que c'est peut-être pas la peine de les alarmer. Enfin, c'est même pas une alarmée, mais c'est peut-être pas la peine de les. De les alarmer parce que eux, puis ils vont dire, ah, homosexuel, j'aurai jamais de petits enfants. Elle va brouter des minous. Quelle salope, je savais que ma fille était une salope. Non mais c'est pas ça, mais tu vois, c'est peut-être pas la peine de les alarmer maintenant. Surtout que t'as déjà pratiqué, j'imagine, avec un garçon et ou avec une fille. Ouais. Bon, tu aimes bien les deux? Ouais. T'as déjà eu combien de meufs dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait un plan? Non, meuf, non, jamais. Oh, bah en plus, t'as même pas encore fait un brouter de minou. Attends. Donc t'as déjà eu des mecs, mais t'as jamais eu de meuf? Non, pas encore. Mais alors, comment tu sais que t'es bi? Bah, parce que je le ressens plein, quoi. Ça se voit, quoi. Mais non, ça se voit pas. Tant que t'as pas brouté du minou, tu peux pas dire. Mais oui c'est ça. T'es pas fait brouter, attends. Vous êtes pas touché le corps. Non, mais imagine, là, tu vas annoncer à tes parents, mais en fait, je suis bi, etc., etc. Donc ça risque peut-être de gueuler ou je sais pas quoi, tu vois, on sait jamais, après les parents, comment ils peuvent réagir. Et si ça se trouve, le jour où tu vas peut-être sortir avec une meuf, tu vas peut-être être dégoûté en disant, on va dire qu'en fait c'est dégueulasse. Ça pue l'acheter. Et en fin de compte, t'auras remué tout le bordel pour rien. Tu vas sentir tes doigts, tu vas dire, bah c'est dégueulasse. Non mais attendez de sûr, attendez de certaine. Non mais tu vois, t'as jamais essayé? Oui. C'est vrai. Attends d'avoir galoché au moins une meuf dans ta vie. Enfin, moi je dis ça. Après c'est voilà, c'est pour t'aider. Hein, c'est pour pas que ça gueule de partout. Après si vous êtes bi ou homosexuel, lesbienne tout ça, bah appelez-nous au 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Là comment ça s'est passé quand vous l'avez annoncé à vos parents? Moi je ne comprends pas cette espèce d'obsession qu'ont les gens de tout raconter à leurs parents. Ouais. Tes parents t'en as rien à foutre. Tu non, vois. T'en as pas rien à foutre. Ouais, mais pareil, après il y avait une meuf un jour elle dit, hey, je raconte toi à ma mère. Et je veux dire, mais. Non, après, c'est différent. Mais non, mais une fille avec sa mère, c'est. Non, en mais général, tu racontes plus de trucs qu'un mec avec son père, par exemple. Non, mais t'as pas besoin d'aller voir tes mais parents, oui. Leur dire, ouais, voilà. Mais ça dépend, t'as des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin père, d'en parler. Voilà, oui, attends, tes pères, t'en as rien à foutre que ton fils, il est homosexuel. Ah, oui, ou c'est pas avec ton père qu'il baisse. Non, dans le Nord, mais. Non, mais t'es con. Alors, c'est parti. Hop là, tu vas te mettre pendant une minute, supprimer l'antenne pour foutre. Non, mais c'est vrai que t'en as rien à foutre en fait. Elle fait sa vie, elle est là. Oui, elle fait sa vie, mais évidemment. Mais bon, appelez-nous et donnez-nous vos avis là. Margot, tu restes avec nous. Il y a Claire en attendant qui est avec nous de Seine-Maritime là. Salut Claire. Salut. Comment ça va? Très bien. Bon, très bien. Bah alors, tu nous appelais pas pour ça, Claire, mais par rapport à Margot, est-ce que t'es déjà ma mère ou pas toi, comme t'as 37 ans? Oui. De garçon-fille? Deux filles. Bon, ah bah c'est parfait. Quel âge elles ont? 13 et 11. Bon, alors imaginons, parce que Margot en a 16, imaginons que ta fille a 16 ans. Si elle devient bi alors qu'elle n'a même pas essayé encore avec une fille, est-ce que tu préfères qu'elle vienne te le dire ou est-ce que tu t'en fous? Ah bah je lui dirai essaye avant de me le dire. Carrément. Non, toi, tu peux pas dire, il reste encore 10 secondes. Non, mais essaye avant. Bah, je sais pas, si elle a pas essayé, elle peut pas me dire qu'elle est bi. Exactement, on est d'accord. Donc, t'as vu Margot, on est d'accord. Je le sais pas moi-même, si j'essayais, peut-être je serais bi. Peut-être. Mais comme j'ai pas essayé, je sais pas le dire. Exactement, forcément, ouais. Donc du coup, et dans l'absolu, en imaginant qu'elle ait essayé, qu'elle soit réellement bi, est-ce que tu trouves intéressant, indispensable que ta fille vienne te le dire, vienne t'annoncer qu'elle est bi, qu'elle soit homo, ok, mais qu'elle soit bi, moi je comprends pas très bien pourquoi. Si elle veut me le dire, elle me le dit, si elle non. veut pas me le dire, elle me le dit pas. Mais oui, bah ça bien sûr. Bon, en tous les cas, ça me dérange pas. D'accord, bon bah écoute, au moins c'est une bonne chose. Attends, on va prendre Patrick dans un instant. Et donc toi Claire, tu nous appelais pourquoi? Alors moi c'est un truc spécial, enfin spécial, oui et non. Enfin je sais pas si c'est déjà arrivé. Mais non, pas droit au but, pas droit au but. J'ai rencontré un homme. Oui. 8 jours avant Noël. Oui. Le Père Noël? Il avait une grande barbe blanche? Non, non, non, pas du tout. D'accord. Et on s'est vu en boîte de nuit. Mmh. On s'est revu. En boîte de jour. On s'est appelé pendant 8 jours. Et le soir du jour de l'an. Il a eu un. Attends, parce que il tu t'a dis. Fourré tu, non, attends, tu dis 8 jours avant Noël, on s'est le rencontrés. Jour de Noël. On a parlé. Ah, le jour de Noël, pas le jour de l'an, d'accord. Oui, donc, oui. Jour de Noël, ouais. Et le jour de l'an, il a eu un accident de voiture. Ouais. Avec un taux d'alcoolémie, enfin bref. Jour de l'an, quoi. Coincé par les gendarmes et puis obligé d'aller à l'hôpital. Ouais. Et il m'a dit d'aller. D'aller siffler sur la colline. Il m'a dit d'aller voir sa fille qui était à 18 km de chez moi et j'avais pas de voiture. Mm-hmm. Donc, j'ai passé ma soirée du jour de l'an. J'ai fait 18 km à pied. Et t'avais mangé quoi ce jour-là? À pied? Rien. Mais tu voulais pas prendre le bus? Il n'y avait pas de bus, je suis en campagne. Non, mais d'accord, ça va, ça te fait 3 heures, tu étais juste pour le. Pourquoi? Bah pour aller voir le changement d'année, quoi. Non, pour aller voir sa fille, parce que... Mais elle n'a pas le téléphone, la fille? Parce que, bon, t'es en campagne, mais il y a le téléphone, quand même. Oui, mais non, elle n'en avait pas. Elle n'a pas le téléphone. Bon, et donc le mec, l'a fait un accident, il est chez les flics, il te demande d'aller prévenir sa fille, mais pourquoi faire? Juste prévenir sa fille qu'elle était en prison? Enfin, qu'il était en prison? Qu'il était emmené par les gendarmes et par les pompiers. Ok. Et donc, j'ai fait les 18 km à pied dans la nuit. Ouais. Ça a usé les souliers. Ça va être dur, cette histoire. T'as fait en talons ou t'avais des chaussures de marche? Non, ça me branle, t'as fait. Non, c'est important. J'avais des chaussures à talons. Ah, tu vois? On nous voilà bien avancés. Bon, et puis. Et depuis, il arrête pas de m'appeler. Et moi, j'ai très envie de le revoir. Mais à chaque fois. Attends, stop, pause 2. Il arrête pas de m'appeler, j'ai très envie de le revoir. Ça veut dire que depuis Nouvel An, et aujourd'hui, nous sommes Le 20 mai. 20 mai. Oui. Vous vous êtes parvus. Non. Mais okay. Il est en prison. On s'est pas ramé. Non, pas du tout. Attends, mais parce que moi aussi je veux faire mon temps mort là. qu'est-ce que ça a à voir dans l'histoire? T'es parti voir sa fille. Elle est 18 km, on s'en fout en fait. Mais non, parce qu'il m'a dit que sa fille était toute seule chez lui dans un appartement à Saint-Valéry. D'accord. Ouais, mais donc en fait là, parce que quand je te dis va droit au but, c'est un peu comme. Alors je vais expliquer. Non, imagine, c'est un peu ça comme, donne des détails. Ouais, non, mais t'imagines. Attends, c'est un peu comme si je disais tout à l'heure, moi, je suis parti de chez moi pour aller à la radio. Hop. Donc je suis arrivé à la radio. Ça, c'est la version droit au but. Après, je peux aussi sortir l'autre version. Bon, en fait, je suis parti de chez moi. Donc là, j'ai ouvert la porte du garage. Donc la porte s'ouvre. J'ai fait marche arrière. En la talon, porte se ferme. Et puis après, je suis parti. Puis je me suis arrêté. J'ai fait le plein. Ouais. Et puis après, du coup, j'en ai profité. J'étais aux toilettes. Et puis, puis après, j'ai été payé le plein. Je suis reparti. Et puis, Et puis, je suis arrivé à la radio. Tu vois, la finalité est la même. Parce qu'il a été au pub à Saint-Valéry. Puis il a laissé sa fille. Non mais en gros, toi, ta question, c'est que là, t'as rencontré un mec il y a 5 mois. Voilà. Aujourd'hui, t'as envie de le revoir. Bah, il m'appelle souvent, mais à chaque fois, c'est des numéros que je connais pas ou en numéro inconnu. Il m'a encore appelé aujourd'hui. Et tu décroches pas, évidemment. Ah, mais ça, c'est dope, ça. Et ben non, quand je connais pas les numéros, je décroche pas. Moi, je suis safe. Oui, parce que de toute façon, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. De toute façon, hein, que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, un appel masqué peut être démasqué. Son numéro de portable et son numéro de fixe. Et ben, j'ose pas l'appeler. Mais pourquoi t'oses pas l'appeler? C'est bizarre aussi. Quand même. Bon, il s'appelle comment? Ben, il m'appelle de son boulot. Non, il fait quoi dans la vie? Comment? Non, mais lui, il s'appelle comment? Il m'appelle de son boulot. Non mais... J'entends rigoler, mais. Mais non, mais c'est parce que ça fait deux fois que je te demande comment est-ce qu'il s'appelle et à chaque fois tu me dis il m'appelle de son boulot. Non, il s'appelle Fabrice. Ah bah voilà, très bien. Bon, ouais. Alors. Donc il s'appelle Fabrice. Eh bah, si tu veux, on l'appelle Fabrice. Ouais. Et tu vas lui dire quoi? Eh ben, parce qu'il m'a. J'ai sur un message aujourd'hui, il m'a dit qu'il m'invitait au restaurant demain. Mais il t'a pas dit où ni quand, bah c'est pratique. Bah bravo. Oui, ça va être pratique. Moi, je lui dis que je suis d'accord. Bah évidemment. Bon, mais alors, je peux très pas bien. Le rappeler parce que c'est un numéro inconnu. Oui, bah oui, mais alors on a le numéro. Bah, on va appeler sur quel numéro alors? Ah bah j'en ai deux. Mais, tu viens de me dire qu'ils sont. Attends, tu viens de me dire qu'ils sont inconnus? Oui, c'est son numéro de son boulot. Mais son numéro de fixe, c'est son numéro de portable. Parce que le numéro de son boulot, bon, à 1h16 du mat, je suis pas convaincu. Bon, après, ça dépend ce qu'il fait comme taf, tu me diras. Il est éducateur, donc. Ouais, donc à 1h15, normalement, il dort. Hein. Sauf si oui, je pense. Ouais. Mais bon. Son numéro de fixe, c'est son numéro de portable. D'accord. Et alors, avant de l'appeler, qu'est-ce qui fait que t'as peur de l'appeler, vu que c'est lui qui t'invite et tout? Donc, normalement, c'est open bar. Eh ben, j'ose pas. Bon. Je sais pas pourquoi, c'est... Bon, écoute, on va oser pour toi. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire juste Merci. Après le son d'Avicii. Bah écoute, je t'en prie. Juste après le son d'Avicii, voilà, avec Lay Me Down. Ça me paraît pas mal le temps de respirer un peu. Et ben, j'adore. Claire, reste avec nous. On aura Patrick, Benoît et Marvin dans quelques minutes. Là, Marvin qui voulait réagir par rapport au goût. Et puis, on se fait la tuerie, la grosse tuerie du moment. C'est Avicii, Lay Me Down sur Fun. 1h21, l'excellent son d'Avicii, c'était Lay Me Down. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mika-L. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et je l'ai promis tout à l'heure, on écoutera le son David Guetta et Showtech aussi. Ce sera Bad sur Fun Radio. Et puis, comme prévu également, hein, tout à l'heure, hein, le son de Black M avec Madame Pavoshko. Des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. Allez, 1h22 sur Fun Radio. Les derniers appels de top vont suivre dans quelques minutes. Et puis, il y a le poupon, sur le Twitter qui dit « Je suis plié ». Il y a Stéphanie qui dit « Tant qu'elle n'a pas une vraie relation durable avec une fille, c'est peut-être pas la peine de le dire à ses parents ». Je suis assez d'accord. Fred S34 qui dit « Moi je dis, pour le moment, ta sexualité ne regarde que toi, que tu sois hétéro, bi ou homosexuel. L'important, c'est d'être heureux en amour ». On est d'accord. Et alors Nadia, le prince qui dit tu peux en parler à tes copines éventuellement, mais peut-être pas forcément à ta famille. Il y a Mystique qui dit moi je suis bisexuel et je l'ai jamais dit à ma famille. Bah voilà, c'est peut-être pas non plus la peine de le dire. Et Déborah aussi, elle ne peut pas prétendre être bi si elle n'a jamais essayé avec une fille, c'est complètement débile. Bah c'est pas débile, après elle peut très bien être attirée par les filles sans pour autant avoir déjà consommé. Mais effectivement, si t'as jamais pratiqué, c'est vrai que Margot. Vaut mieux avoir déjà pratiqué afin d'être sûr d'être bi, sinon c'est peut-être ouais. Un petit peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. N'est-ce pas? Attends, il brouter le minou avant de l'avoir sous le nez. Voilà. Tof, tu prends elle est pas de toi, celle-là. Une minute d'exclusion. Elle est drôle. Ouais, mais une minute d'exclusion quand même. D'accord. Bon, Patrick, sois bienvenu de Grenoble. Comment ça va, Pat? Ouais, salut Mickaël. T'es en forme? Ouais, la forme. Bon, salut, très bien. Tubes. Franchement, alors, je suis trop content de passer avec vous, vous déchirez. Bah, c'est gentil, Patrick. Bon, malheureusement, Toff ne peut pas te saluer puisqu'il est puni, il est au coin pendant une minute. Ouais, laisse-le. Bah, t'inquiète pas, je compte bien le laisser, il a encore 40 secondes à purger. Alors, Patrick, tu voulais réagir à Margot, toi? Ouais, je voulais dire, franchement, déjà, faut qu'elle essaye, déjà, avant de dire quelque chose, c'est arrivé à une de mes amies. Et franchement, ses parents, ils l'ont vraiment mal pris, ça a foutu la merde et tout, et c'était chaud pour elle, et en plus, elle aimait plus. Elle l'aimait plus? Elle aimait plus, ouais. La chatte. Ah, voilà. finalement, elle était plus bi, en fait. Ah. Voilà. D'accord, elle a pas aimé du tout, en fait. Bah ouais, donc tu vois, Margot, c'est peut-être pas la peine de foutre la merde à la maison. Ouais. Hein? Test avant. Ah oui, il vaut mieux tester avant. Ouais, et puis envoie-nous des photos et un film, Des photos, pardon. Ouais, c'est ça, il voulait dire fesses et photos, ça fait féto. C'est ça, donc. Vaut mieux. Non, mais envoie-nous une petite vidéo et puis des photos à Polo à radio.fr. Donnez-moi le numéro, elle envoie aussi, je juge aussi. Bah non, oui, bien non, sûr. Toi, tu fais rien du tout. Il n'y a qu'un seul juge. Bon, attends, il y a Benoît également, 26 ans de Paris, qui est avec nous là. Salut Ben. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Salut Fun Radio! Salut Benoît! Bon, tu voulais réagir à Margot, toi? Non, en fait, j'appelais parce que moi j'étais bisexuel. En fait. Ah oui, mais toi, ça se voit! C'est vrai que je suis un peu efféminé, mais. Mais moi, pas du tout, je vois pas pourquoi tu dis ça. Bah oui, mais donc c'est par rapport à Margot quand même, c'est elle qui avait lancé le débat, entre guillemets. Oui, bah je pense qu'elle devrait pas se prendre la tête sur ça et. Mais toi, t'es plutôt bi. Attends. Parce qu'il y a deux sortes de bi. T'es bi gay ou no curieux? Non, il y a deux sortes de bi. Je prends l'exemple d'un mec. Tu peux très bien être homosexuel mais bi, donc tu tapes aussi des meufs mais tu préfères les mecs. Ou alors tu te tapes des meufs en règle. Enfin, tu préfères les meufs, mais de temps en temps, tu serais bien une petite bite, quoi. Ben voilà, non, je serais plus. Au 4 heures. En fait. Voilà, tu fais ton petit 4 heures. J'ai découvert en fait en premier que j'étais attiré par les hommes. Ouais. Et c'est après en fait à l'âge de 18 ans que j'ai eu ma première relation avec une fille et ça s'était plutôt bien passé. D'accord. Et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait plus de trous, que j'étais plus pratique. Voilà. Tu pouvais te cacher à plus d'endroits. Et donc c'est pas désagréable aussi, hein. Après, c'est vrai que c'est un peu plus serré quand tu le fais avec un mec, mais sinon, voilà. Ça dépend du mec aussi. Mais donc toi, t'es gay, mais tu peux aussi te taper des meufs, quoi. Non, il est bi. Voilà, ça me dérange pas de temps en temps, une fille, voilà. Mais tu préfères les filles, mais... préfère les mecs, mais, je préfère clairement les mecs, ouais. D'accord, bah, c'est moins chiant, t'as raison. Je pense que j'étais homosexuel, puis que après, quand j'ai découvert que j'étais légèrement attiré par les filles, j'ai commencé à avoir quelques relations à gauche à droite. D'accord. Mais je pense faire ma vie plus tard avec un homme. D'accord, et écoute, pourquoi pas, hein, après nos malaises. Et donc du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Margot? Est-ce que ça vaut la peine? Sachant qu'elle n'a pas encore essayé un truc avec les filles, même s'il est attiré par les filles aussi, de prévenir ses parents, tout ça, machin. Bah je pense qu'elle devrait essayer, puis après elle y va au feeling pour ses parents. Après je pense que ses parents sont ouverts, voilà, y a pas de mal. Dis-moi, jeune gourmand, tu fais quoi dans le couple? Tu fais l'homme ou la femme, toi? Un peu des deux. Ah, t'es comme ça, toi? Moi, t'es actif et passif. Il tire un pilote face avant et puis voilà, c'est ça. C'est en fonction des envies. Tu préfères te faire fourrer un peu comme ça? Bon, non, actif et passif, les deux en même temps. Je refuse pas. Ah, d'accord. Très bien. Eh ben écoute, pas de problème. Il ne dit jamais non, le cochon. Voilà. Eh ben Benoît et Patrick, merci à vous deux d'avoir appelé en tout cas. Merci, je peux vous écouter. Bonne soirée et à la prochaine. Salut Benoît, bientôt. Vas-y, Patrick, à une personne, choisis la bonne. Je fais un gros bisou à Cindy. C'est qui Cindy? C'est une copine à moi. Wow, d'accord, ok, tu aimerais bien lui casser les pattes arrière, hein. Hein? Le comment. Ouais, c'est ça. Bah, t'en casse pas, on l'a compris. Va. Merci, bon. L'équipe. Ah, bah, je t'en prie. Bon, Cindy, si t'as entendu le message, voilà, il aimerait bien de casser les pattes arrière. Comme ça, hop, le message est passé en toute simplicité. Salut, Patrick. Ciao à toi, à bientôt. Salut, salut. Allez, bye. Margot. Oui. Bon, du coup, moralité, ne préviens pas tes parents. Teste d'abord avec une fille et puis t'aviseras. Envoie-nous les photos. Envoie-nous la vidéo, c'est plus simple. Et on voilà. te dit si t'es vraiment bi ou pas. Voilà, attends, il y a quand même Mélissa aussi de Paris qui est avec nous là. Salut Mel. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon, toi aussi tu voulais donner ton avis par rapport à Margot là sur le fil avant la fin? Ouais, parce qu'en fait je suis un peu comme elle en fait. Je me posais aussi la question. Mmh. Et je me suis dit aussi qu'il fallait d'abord tester avant de savoir. Bien sûr. Et le problème, c'est que j'ai toujours pas testé, je sais toujours pas. Ah bah ça viendra, vous inquiétez pas. Mais y a pas d'urgence, hein. C'est ça, ne sois pas pressé. T'as quel âge? J'ai le citron. Ah bah oui, mais t'as le temps. Mais, ah oui, mais c'est pareil pour Margot, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bah, en même temps, on peut peut-être vous mettre en relation, comme ça vous essayerez ensemble. Ah bah allez, pourquoi pas, tiens, Margot et Mélissa, on sait jamais. Bah ouais. Non mais tu vois, non mais il faut vous pas. Vous faites il faut une soirée tondeuse. Eh non mais il n'y a pas d'urgence, voilà, vous trouverez bien, maman ou un autre, vous tromperez sur une fille qui va vous attirer, ça va se passer, vous allez kiffer ou pas, et puis vous serez fixé. Il n'y a pas d'urgence, à 16 balais, ça va, t'es pépère. Hein. Ça va glisser et puis. Voilà. La première fois qu'il a baisé avec un mec, c'est à quel âge toi? Je sais pas, 18. 18 ans. Ouais. Et t'as joué le mec ou la meuf? Non, j'ai donné. Mon cul, je suis sûr qu'il est, il s'est fait, il non, s'est j'ai, fait j'ai donné mon cul. Ah oui, d'accord, ok, ouais, mais voilà, c'est plus clair comme ça. Bon, donc voilà, donc en gros, pas d'urgence, mais tenez-nous au courant quand même, hein, Margot et Mélissa. Ok. Bon, je dis ça, mais on l'a en fion, hein, on a jamais tenu au courant, tu vas voir. On se figurait bien sûr. Évidemment, bien sûr. On n'aura jamais la vidéo. C'est ah bah non, ça, je te confirme. Bon, je te fais des bisous, Margot. Juste un poil, ça suffit, nous. Hein. Je peux passer une petite dédicace. Vas-y, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Je fais des gros bisous à Josh qui est en train de m'écouter. Très bien, eh ben écoute, on l'embrasse, pas de problème. C'est qui, c'est un pote à toi ou c'est ton mec ou c'est qui? Non, c'est un pote. D'accord, très bien, pas de problème. Eh ben message passé. Salut à toi Mélissa également, merci d'avoir appelé Fun. Salut. Salut à vous deux les filles, à bientôt. Et dans quelques minutes, bonne nouvelle. Ah. Nous allons récupérer notre ami. La salope? Bah non. Ah bon, pardon. C'est Claire qu'on va récupérer. Ah, qui voulait Claire, appeler, mais qui n'a que le nom, hein. Qui voulait appeler son mec qu'elle a plus vu depuis le mois de décembre. Enfin, une histoire assez compliquée, ah, mais je crois que c'est qu'elle va nous rappeler avec grand plaisir d'ici quelques minutes. On aura Marvin aussi qui est avec nous de Charleville. Salut Marvin dans les Ardennes. Salut l'équipe. Ça va? Bien vous? Bah tranquille. T'es en forme Marvin? En forme. Bon, toi tu voulais réagir par rapport à l'info américaine, puisque bon, aux États-Unis il y a de plus en plus d'États qui légalisent la consommation de cannabis, et du coup, eh bien il y a le Nutella qui vient d'être mis en vente sur le marché. C'est un peu comme le Nutella mais avec du cannabis. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Et donc du coup, je voulais savoir s'il y avait des trucs comme ça que vous voudriez bien inventer. C'est genre des mélanges et des conneries comme ça. Hein. Il y a la friterie Alba qui dit Mickaël, un hamburger au Morito, je te l'envoie. Ah bah oui, écoute, merci. Je ne sais pas s'il va goûter, mais why not. Et toi, du coup, tu t'inventerais quoi, toi, Marvin? Alors moi, ce sera le coca au tabasco. Le quoi? Le coca au tabasco. Ah ouais, c'est un concept aussi, c'est un peu le Dr Pepper, quoi. Ouais, un peu. C'est ça, en fait, hein. Parce que moi, je suis pas trop fan. Non, ça n'a pas le goût de... Bah, le Dr Pepper, c'est un peu... Non, ça a plus goût de sirop aux plantes. Surtout le piment. Oui, non, mais si, ça pique un petit peu. Non. Moi aussi j'en ai bu. Je trouve que toi. Donc alors parce que toi tu n'as pas la même sensation gustative que la mienne, tu as raison et j'ai tort. Non, j'ai pas dit que tu avais tort. Ça ne peut pas avoir le goût de piment. Mais j'ai pas dit que ça avait le goût de piment. Pour un Dr Pepper là. De quoi? Non, je ferme ta gueule toi. C'est toi. Attention, lui va prendre une minute et puis va arrêter de nous casser les couilles. Hop là, une minute au coin et puis comme ça c'est fini. Ouais, non, mais il mérite. Évidemment qu'il mérite. Bah attends, mais c'est clair. De toute façon, même si nous on sait pas pourquoi on le punit, il le sait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sans nom? Non, je disais en même temps que la dernière fois que vous êtes en bruit, c'était pour un chocolat Côte d'Or. Non, mais c'est vrai, non, mais. Non, parce qu'il y a eu. On a eu pire, quoi. Mais non, mais parce que Polo a la science infuse. Non, bah oui, pas. Attends, tu vois, on goûte tous les deux le même truc. Oui. Je trouve, mec, papy gustative goûte quelque chose, ouais, laissez l'autre chose, mais automatiquement, mais c'est lui qui a raison. Mais tu ne peux pas dire ça. Mais toi non plus. Mais j'en ai bu plus que toi. Ah, bah d'accord, mais qu'est-ce que t'en sais? Bon, eh bien, tu as raison. Eh ben, je te remercie. Bah voilà, tu vois, je te dis que ça part. Bah, avec l'âge, il devient moins con. Mais non, tu vois. Ça a pas le goût de piment, c'est sûr et certain. Non, mais c'est ça. La phrase préférée de Polo depuis 10 ans. Bon, bah, tu as raison. Eh ben voilà. Sauf que quand il dit ça, t'as même pas. Non, non, non. Non, non. T'as même pas le temps de dire. Ok, que je. Mais non, parce qu'en fait. Et après, il revient dessus. Donc non, voilà. C'est pas vrai. Non, mais non, bah non, bah c'est pas vrai. Non, bah bien sûr. Bon, bref, Marvin. Ah, attends, ouais. Toff peut revenir là. Ah, ben ça sent le, ça sent la mer tout d'un coup là, non? Tu sens ou pas, Marvin là? Ça sent, putain. Ouais, non, mais là, je la sens chez moi là. Ah, putain, bah voilà, bah ça, comme quoi, finalement, on n'invente rien hein, quand on vous dit. Bon, donc du coup, toi, t'inventerais le coca ou tabasco. Pourquoi pas? À tester, j'ai envie de dire. Bah merci, Marvin, mais pour l'info. J'aime bien le piquant, moi, donc. Bah oui, non, mais nous aussi, hein. C'est pour ça, je bois un petit Dr Pepper de temps en temps, comme ça pique. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, Marvin. Bon, bah merci à toi d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ouais. Salut. Allez, à la prochaine. À bientôt, Marvin. Ciao à toi. Récupération de Claire dans quelques minutes. On fera les appels de Toff également. Toujours par rapport à cette information sur les Anglais, l'âge moyen de la première relation sexuelle qui est de 14 ans alors que bah, la légalité veut que ce soit 16. Oui. Voilà. Donc, prennent un peu d'avance. Bah, ils prennent un peu d'avance. Et puis donc, appel dans quelques minutes. Et Polo contre le reste du monde. Ce sera donc dans une petite vingtaine de minutes. Si vous voulez participer à cette grande émission, n'hésitez pas. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on va se faire péter le son de David Guetta et Showtech maintenant. Son que vous avez découvert sur Fun et c'est Norman. C'est normal, c'est bad. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio. Prévenez vos potes qu'on est là d'ailleurs tous les soirs hein, sur Fun. Ça se passe en direct de 23h à 2h du mat et le dimanche de 20h à minuit. Il y a Misty qui dit pourquoi pas inventer une glace au sperme. Aussi Toff serait heureux. Mais j'adorerais. Bah oui, exactement. J'adorerais, je pourrais en fournir toute la journée. Génial. Et Marlon aussi qui dit ça fait aussi un moment que je voulais vous dire que ça fait des années que je coûte Fun. Et vous faites du tous un bon un boulot superbe. Ça fait plaisir de vous écouter tous les soirs et tous les jours à force de l'enregistrer sur la première position sur les radios des voitures de mes parents. Mes parents se sont habitués et Dieu sait comme c'est dur de trouver une radio qui leur plaît. Ah bah écoute, c'est le principal. Voilà, on est là pour tout le monde. Donc bref, continue comme ça, vous êtes au top. Merci beaucoup en tout cas. Et Ludo qui dit Toff est pas encore en prison. Non mais ça va pas tarder hein. Oui oui, ça, ça, ça va pas tarder. Bon, avant de prendre Claire au téléphone, on va te faire le dernier appel hein, de la soirée là. Allons-y, allons-y. Allez, c'est parti. Puisque comme je le disais juste avant le son de David Guetta, eh bien en Angleterre la moyenne du premier rapport sexuel c'est 14 ans. Sauf que la légalité comme en France ou en Belgique c'est 16. Oui. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, c'est du étonnant. Coup, bah oui. Donc du coup on appelle des gens là grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Toff comme tous les soirs. toph@funradio.fr. Eh bien on appelle des gens pour voir un peu comment ça se passe, à quel âge ils ont eu leur première relation sexuelle. Donc on y va, c'est parti. Allons-y. Allez, c'est parti. 1h37 du mat sur Fun. On est en mode pépère avec Polo contre le reste du monde qui arrive aussi dans 20 minutes. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir à quel âge vous aviez eu votre première relation sexuelle, monsieur ? Pardon ? Je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle, monsieur ? Pourquoi ? Bah pour savoir, monsieur. Ouais, salut Ludo. Non, moi c'est Toff, monsieur. Toff ? Oui. Toff. Toff qui ? Bah Toff Toff. Toff Toff. Bon, oui. Bon, un con quoi. Mais pas du tout monsieur, enfin j'oserais pas, pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est à quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel ? Voilà, c'est ça. 15 ans. 15 ans, parfait. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir monsieur, merci beaucoup. Non mais c'est quoi le but de l'appel là ? Parce que sincèrement... Bah c'est tout, c'était de savoir à quel âge vous aviez fait l'amour pour la première fois. Oui, et puis ? Et puis c'est tout. Et puis ça donne quoi, sincèrement, ça donne quoi ? Bah ça donne que je sais que c'était à 15 ans, et donc là je vous souhaite une bonne soirée monsieur. Oui, mais explique-moi pourquoi tu m'appelles moi et voilà. Bah parce que le hasard de l'annuaire a fait que c'est tombé sur vous. D'accord. Et ça fait quoi dans le coup ? Et pourquoi tu te permets de m'appeler comme ça ? Bah pourquoi je me permettrais pas de vous appeler monsieur ? Bah je sais pas, tu te permets de m'appeler pour me demander à quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel. Voilà, c'est ça. Et ben y a pas un problème quelque part là ? Bah non, je vois pas. Bah, je vois pas. Non, moi je vais me permettre d'appeler ta femme et demander à quel âge elle s'est fait tringler la première fois et ça te dérangera pas. Bah non, j'ai pas de femme, donc déjà ça me dérangerait pas, et puis après, c'est elle qui vous répond, c'est pas moi, hein. Ouais, mais c'est quoi le but de l'appel ? C'est ça que je comprends pas, là. Pourquoi t'appelles ? Juste, ça te donne quoi de savoir, ça ? Bah ça me donne l'âge auquel vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur, enfin je comprends pas bien votre question. Eh ben moi je comprends pas pourquoi tu m'appelles, juste pour savoir ce que tu... Enfin, juste pour savoir ça, tu vois. Bah pourquoi je pourrais pas vous appeler juste pour savoir ça, monsieur ? Eh ben, si t'appelles et que tu me dis ça, c'est forcément qu'il y a une raison, explique-moi, je sais pas. Bah la raison, je vous l'ai dit, monsieur, c'est parce que les Anglais, c'est 14 ans. Et alors, ouais, et alors ? Ça bah, fait quoi que ce soit eux 14 ans et ça fait quoi ? C'est quoi le délire ? C'est de savoir à quel âge vous l'avez fait, monsieur, c'est tout. Et c'est un, oui, mais ça t'apporte quoi, toi ? Toi, ça te donne quoi, toi ? C'est ça que je veux voir. Bah, et ça me donne rien, monsieur, ça me donne juste un âge, c'est tout. Enfin, je comprends pas, monsieur. Attends, je comprends pas. C'est toi qui te permets de dire je comprends pas alors que tu m'appelles juste pour me demander à quel âge je tirais ma crampe, quoi. Bah, c'est ça, monsieur. Ouais, mais ça te donne quoi ? C'est ça que je veux te dire, on appelle combien des gens comme ça pour les chercher ? Ah bah plein, monsieur, plein, j'en appelle plein. Et après, comme ça, je sais à quel âge ils ont fait l'amour pour la première fois. Ouais, t'es un peu gueudin, quoi. Mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça ? Bah, je sais pas, tu te permets de m'appeler, enfin, c'est ça, je comprends pas, tu m'appellerais pour me demander encore un questionnaire ou je sais pas quoi, enfin, je veux bien. Là, tu m'appelles juste pour savoir à quel âge j'ai mis une saillie pour la première fois, quoi. Voilà, c'est ça. Non, il y a un gars qui m'appelle, il me demande à quel âge j'ai mis une saillie pour la première fois. Voilà. Bon, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, monsieur. Non, tu rigoles, vous. Bah, de toute façon, on a fini, on a plus rien à se dire, monsieur. Ah, si, il y en a d'autres à se dire. Ah, si, bah, si, d'où tu te permets de m'appeler comme ça, tu vois. Bah, moi, je vous appelle de Paris, monsieur. Ouais, de Paris. Oui. Et t'as eu mon numéro où ? Bah, dans l'annuaire, monsieur. Dans l'annuaire, pour un con, je suis pas dans l'annuaire. Bah, si, monsieur, sinon, je vous aurais pas appelé. Ah, ouais, donc tu connais mon nom, mon prénom et tout, bordel, alors. Ah, non, moi, j'ai pris au hasard. Hein. Au hasard. Ouais, tu me prends vraiment pour un con, quoi. Ah non, moi j'oserais pas. Non, bah non. Non, je me permettrais pas, monsieur. Non, bah alors c'est quoi le délire ? Pourquoi tu m'appelles ? Bah juste pour savoir à quel âge vous avez fait l'amour pour la première fois, monsieur. Vous m'avez répondu, donc on va se souhaiter une bonne soirée. Eh, ils font un sondage. À quel âge t'as couché la première fois ? Apparemment, à quel âge t'as couché la première fois ? Il avait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ah oui, c'est un précoce, lui. Mmh. Bah, il en a 32, son fils, il en a 38. Ah oui, d'accord. Bon, ben parfait. Oui. Eh ben écoutez, monsieur, une bonne soirée. Ouais, salut. Ouais. Allez, au revoir. Non. Quel relou. Oh là, le mec, il voulait pas lâcher la grappe. Hein. Putain, à 1h40 du mat, il y avait pas autre chose à foutre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est à quel âge j'ai fait ma première saillie. Oui. C'est aussi un cheval, tu vois. C'est ça. N'importe quoi. Bon, ben on fera d'autres appels, mais demain, alors, avec un autre thème, bien entendu. Avec plaisir. Là. Et il y a Clomet qui dit, moi je veux bien te faire un éclair au Morito. Ah ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, tiens, ça peut être pas mal. Et j'en ai ramené des éclairs d'ailleurs, un polo étoffe. Oui, merci beaucoup. Ouais, bah de rien. Et Margot aussi qui dit, ce serait possible de me faire rentrer en contact avec la fille qui était dans le même cas que moi à l'antenne il y a quelques minutes. Oui, il y a Sandro qui va gérer ça si tu veux, c'est pas un problème. Et bah t'aurais dû demander ça directement au standard, ça aurait été plus facile. Et Christophe qui dit, pourrais-tu mettre un message de bienvenue à mon frère David, lui aussi a trafiqué le casque anti-bruit pour écouter la radio. D'accord, avec plaisir, Christophe, tiens. Trop pédé, Kotcheva. Et même une petite doublette. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Eh ben voilà, très bien. Oh ben, c'est fait. C'était mignon, c'était oui. De l'amour. Mais oui, beau. Mais oui. Bon, Black M arrive avec Madame Pavochko, là, et puis il y a Claire qui est avec nous, donc, de Seine-Maritime. Alors, Claire. Oui. Attention. Est-ce qu'en deux mots, pour les auditeurs qui viennent d'arriver, tu peux réexpliquer la situation ? Oui. Vas-y. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, deux mots, hein, donc là c'est déjà mort. Bah, hein. La soirée, enfin le week-end d'avant Noël. Ouais. Et on est resté en contact. Gros but, hein. En contact juste téléphonique. Ouais. Pendant. Bah, jusqu'au jour de l'an. Ouais. Et le soir du jour de l'an, j'étais toute seule. Ouais. Malheureusement. Et comme il a eu un accident de voiture avec de l'alcool. Il s'est fait arrêter par les gendarmes. Non, j'ai dit droit au but. On a déjà essayé ça tout à l'heure. Ça ne sert à rien, l'histoire de la police, de la fille, tout le bordel. Voilà. Des 18 km en talons. J'ai fait 18 km. Non, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, alors, droit au but. Pour aller m'occuper de sa fille. On s'en fout. Droit au but. Bah, qui me connaissait pas. Oui, mais c'est pas grave, ça. Donc, tu l'as rencontré avant Noël. Voilà. Merde, qu'est-ce qui se passe là, Sandro, là, t'es à l'aise, hein, pépère. Mais c'est top, il se fait plaisir. C'est moi qui fais de la merde. Donc je disais, Claire, donc tu as rencontré ce mec avant Noël, vous avez discuté, aujourd'hui vous discutez encore ensemble, vous êtes parvus, et il t'a invité au resto, mais t'as pas son numéro. Et non, il m'appelle, mais j'ai... Tu vois, l'histoire des 18 km à pied pour aller voir sa fille, en fait... Oh. Non, si, moi, je trouve ça important dans l'histoire. Non, bah, justement, non. Bon. Non, mais il a trouvé ça adorable que je fasse ça pour sa fille que je connaissais même pas. Voilà, donc c'est parfait. Donc, alors, on va l'appeler aujourd'hui. T'as peur de l'appeler? Il s'appelle comment? Fabrice. Parfait. Bon, eh ben, appelons-le, alors. Et je m'appelle Claire, il habite à Saint-Clair. Non, ça c'est un signe. C'est génial. Non mais oui. Tu vois quand je te disais c'est gros but. C'est un signe. Bon, écoute, non mais voilà, ça doit être un c'est un signe ouais. Comment s'appelle la fille? Elle a quel âge? Sa petite? Ouais, elle a quel âge? Elle a 13 ans. Ah oui, non, bah très bien, c'est une douce, c'est parfait. Bon. Comme la mienne. Bah c'est pas, oh bah c'est encore un deuxième signe. Bon. Bah juste un gros bisou parce que la mienne est partie en Angleterre. Ah oui, alors attention, parce que l'âge moyen, 14 ans, hein, donc faut se méfier quand même de ces conneries. Il hein. Y a moyen qu'elle revienne changer. Voilà, c'est ça, un petit peu, oui, dans un bus anglais. Mais elle est partie à pied en Angleterre ou pas? Non, attends, en talon. Non, non, en basket. Ah, en basket. Bon, bah voilà, là, bah, nous voilà rassurés. Bon, Claire, on y va, on appelle Fabrice. Vous parliez de l'âge de la première fois, elle a 13 ans et demi, donc j'espère que c'est pas 14. Bah si. Et bah c'est l'âge moyen en Angleterre, c'est 14. Après c'est l'âge moyen, hein. Il y en a c'est bien avant, il y en a c'est bien après, c'est le mais ouais. Mais bon. Moi j'avais 17. Ah t'avais 17. Bah écoute, on verra bien avec ça. C'est un signe. Je voulais dire aussi à Margot vite fait que ça sert à rien qu'elle essaye pour se forcer avec une fille, parce que moi je pensais que j'étais attirée par les filles, j'ai essayé et puis ça sert à rien. Ah. Non mais attention, pour en revenir sur Margot, elle veut pas se forcer avec une fille, elle est attirée par les filles, elle voulait simplement appeler ses parents. Mais on lui a dit, voilà, teste d'abord avec une fille, puis après tu verras bien. Voilà, photo, bon. Vidéo à l'appui. Moi je pensais que j'étais attirée, mais en fait c'était une fausse idée. Eh ben voilà, ben, comme ça au moins Margot, si tu entends, des fois que... Voilà. Bon, Claire, appelons Fabrice. Oui. Ah hein oui. Oui, génial. Ah oui, c'est genre, ah oui. Merde, putain, j'avais oublié. C'est pour ça que j'appelais, dis donc. J'avais oublié. Bon, Claire, oui. On y va. On l'appelle, tu lui parles, hein, Claire, hein. Ok. Bon, et nous on est derrière au cas où t'as besoin de nous, tu nous appelles, n'hésite pas. Allez, c'est parti, on y va. Je vais avoir besoin de vous. Ouais. Mais non, ça va aller, t'es une grande fille. Bon, déjà le mec on va l'appeler 1h46, il va être plutôt cool quand même, je pense. Hein. Allez. Je peux poser une question? Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'on appelle au bureau à 1h46? Ben parce que j'ai deux numéros et puis que j'ai une chance sur deux. Malheureusement, ça ne décroche pas. Fallait-il s'y attendre? Bonjour, eh bien, c'est Fabrice Edéa. Je vous voulais faire un message. Ah, c'est bien Fabrice. Bon, c'est sa voix? Oui. Parfait. Bon, on va donc appeler sur son portable. Là, ça va être le répondeur. Ah bah, c'est encore pire. Tiens, fax. Voilà. Non, c'est ce numéro n'est plus attribué. Non, mais c'est non, parce que normalement, ça doit le dire quelque chose. On n'a pas mis un chiffre en trop, là. Bon, attends, Claire. Attends, je te repasse Sandro pour vérifier si le numéro est bon. Parce que c'est pas la première fois que Sandro... Surtout vers le coup des 1h40 du matin, tu vois, qui transforme ses deux mains en deux mains gauches. Donc, sait-on jamais. Alors, l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Non. Attends, on va rappeler quand même, hein, Claire. Attends, on va réessayer, sait-on jamais. Il fait dodo. Ah oui, non, il fait pas dodo là. Il a coupé la ligne. Ou il a pas payé la ligne. Ah oui, il a pas payé depuis un moment alors. Hein. À mon avis, depuis c'est un petit bout de qu'il temps. C'est pour ça qu'il t'appelle pas en fait. Ouais, il y a peut-être de ça. Mais attends, mais Claire, la dernière fois qu'il t'a contacté, il t'avait contacté comment? Bah, il m'a envoyé un pigeon voyageur. Non, ce matin, mais de son boulot. Ah, et ben on a qu'à laisser un message sur le merdier, là. Oui, ben on a qu'à laisser un message, ça s'appelle un répondeur. Oui, c'est ça, voilà. La merde, là. Donc on peut laisser un message sur le répondeur, à la limite. De son boulot, mais non, il appelle un inconnu. Ah oui, oui. Oui, non, mais peu importe. Mais il aura le message, puisqu'on est sur sa propre messagerie vocale. Oui. Et s'il appelle d'un chaîne, est-ce qu'on verra le numéro? Voilà. Bon. Oui, sur son portable, il aura le message, oui. D'accord, bon, on y va, tu lui laisses un message, d'accord? Oh, laissez-lui, vous. Bah comment ça nous? Mais c'est pas nous qui avons envie de sortir avec lui quand même. Bon attends, moi je lui laisse un message, allez vas-y. Non, tu vas faire de la merde, on rigole faire de la merde. Les sentiments. Que Toff il le fasse. Non, je vais le faire, allez, on y va. Si elle le souhaite. Allez, on y va, oh là là, ça m'a saoulé. Voilà, bon, allez, Claire, t'es sûr que Toff peut le faire? Oui, je veux le faire. Claire, t'as vu. Lui nique pas son plan. Oui, que Toff le fasse. Bon bah si elle veut. Elle en aura plus jamais, hein, Toff. Ah, c'est risque et péril, hein. En plus, elle adore Toff. Ah, en plus, elle adore Toff. Bah tant mieux. Bah ça m'étonne pas. Bon, vas-y, putain. Mais non, il n'y a plus de répondeur. Bonjour, eh bien, c'est Fabrice et Léane, vous pouvez laisser un message, merci. Faut que je parle vite. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Fabrice, bonsoir, je t'appelle de la part de Claire qui voudrait que tu lui fourres l'oignon. Alors s'il te plaît, rappelle-la, va bouffer avec elle et par pitié, déglingue-la. Merci beaucoup. T'aurais dû dire cordialement. Ah oui, c'est vrai, attends, rapport. Oh bah non, bah tant pis, bah c'est pas grave. Bon, et bah Claire. Tu parles de son radio. Bon, bah le message, oui, bah écoute, il te rappellera et puis après, tu lui expliqueras. Hein. Bon, tu nous tiens au courant? Bah merci beaucoup. Bah, avec plaisir, nous, si on peut rendre service, y a pas de problème, hein, c'est toujours un plaisir. Attends, c'est pas fait. C'est pas fait non plus. J'ai pas eu mon message de bienvenue. Non, eh ben attends, je t'embêterai, tiens. Bah voilà, tiens. Et moi je vais baiser ta mère, non? Non, bah attends, c'est peut-être pas bien. Attends, je vais attendre. Alain Marseillais, je suis fan de l'OM. Un Marseillais. Je sais plus qui est Marseillais, moi. Eh ben, va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Bah. Non, c'est pas un Marseillais, lui. Ah, peut-être que lui. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Ah non, c'est pas ça. Non. C'est mon préféré. Ouais, je sais bien, ouais, mais j'ai pas celui-là. Ah, ça c'est sûr que c'est un Marseillais. Oh putain de Parisien. Voilà, ça c'est sûr. Et Polo qui vient de tomber. Mais je vous adore. Bah, c'est gentil, merci beaucoup Claire, je te fais des bisous. Et si tu te fais fourrer, rappelle-nous. Voilà, salut Claire, je te repasse Sandro au standard. On va se faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Ouais. Il y a Pascal qui dit, vous êtes sûr qu'il est pas en cavale depuis le jour de l'an? Ah, bah, savoir. Et Amel qui dit salut toute la team, salut à toi Amel. Et alors Nathan qui dit avec vous, on se fait pas chier. Bah tant mieux, nous non plus on se fait pas chier tous les soirs d'ailleurs. Allez, vous continuez à balancer vos messages, on est encore là pendant 10 minutes donc profitez-en bien. Ça se passe sur le Twitter, hashtag Mickaël, sur le Facebook, rejoignez-nous, tapez Mickaël officiel. Et puis vous nous appelez aussi où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et où que vous soyez en Belgique, au 02 851 4x0. N'hésitez pas, 1h50 sur Fun. C'est parti, Black M maintenant, yeah. C'est Madame Pavoshko, yeah. Hello. Hello. You. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Ah. Et voilà Black M avec Madame Pavoshko. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, 1h55 sur Fun, dernière ligne droite de l'émission avec dans un instant le top tweetos, on aura le générique comme d'hab. Et puis on a Polo against the rest of the world. Yes, ça. Merde, attends, j'ai fait une connerie là. Oh là là là là là là là là là là. Ne bouge pas, j'ai perdu la musique de Polo contre le reste du monde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, là nous avons un problème. Houston, nous avons un problème. Ah oui, bah, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on fera ça. Non, bah attends, je vais le retrouver. En fait, le problème, c'est que quand je pousse dessus, le truc s'efface. Alors attends, je vais essayer de le mettre en face pour voir. Attends, bouge pas. Hein. Je suis en plein test. Ah. Et là, ça marche pas. Bon, ah bah c'est parti alors. Hop là. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Welcome in the Polo against the rest of the world pour nos amis anglophones. In the place. Yes, ça. On commence tout de suite avec Thomas. Thomas, je t'écoute. Allô? Ouais. Parle plus fort, on t'entend pas, sale doux. Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux? Pour un message de bienvenue pour mon pote, je le fais découvrir sur la radio. Ouais, mais j'ai pas de message de bienvenue, moi, je suis avare là-dessus. Dr Pepper. Ah, le Dr Pepper n'est pas prêt. Jean-Yves Lafesse. Oui, non, mais moi, c'est Jean-Yves Lafesse, hein, c'est pas Dr Pepper. Hein. Allez, en fait, tu me prends pour un con, là, Jean-Yves? Non. Alors, ferme-la. Madame Pavoshko. Oui. Oui, non, je suis Pavoshko. Quoi? Mais je vous appelle, je rappelle la chanson. Ouais. Comment vous avez pu... Oh, elle m'a saoulé l'autre là. Maxou. Salut Polo. Salut. Eh, fais pas comment le malin toi Maxou, fais pas le malin, je te surveille. Qu'est-ce que tu veux? Je fais pas le malin, sache que je suis en plein blocus là. Et où? Je me lève pour intervenir dans ton émission, je suis à Bikini Bottom. Oui, c'est vrai. Mais tu restes combien de temps là-bas? Bah écoute, je termine mes études, donc j'aimerais devenir apprenti cuisinier pour faire la relève de Bob l'éponge dans le crêpe croustillant et pouvoir servir des pâtés de crêpes. C'est chouette quoi. Maxou, tu prends quoi avant d'appeler là? Moi je prends rien, j'étudie, c'est tout ce que je fais. Bon bah écoute, très bien. Bobby Bay. Bonjour, mais c'est Bobby. Oui, ouais. Je voulais savoir quelle est ta marque de bonbons préférée. J'en ai pas, les dégâts. Jean-Jacques Dulac. Oui, bonjour Polo. Bonsoir. Bonjour, c'est Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Tu sais ça que c'est ma passion dans la vie, moi. Je comprends pas ce que tu dis, je comprends. Thomas. Ouais. Je t'écoute. Écoute. Bah tu veux un message de bienvenue? Bah là, tu veux un message de bienvenue? Ok, va te faire enculer, gros bâtard. C'est bon? Ouais. Ok, tu t'en vas ou tu restes? Non, je reste. Ok, Dr Pepper. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est Dr Pepper. Je vous écoute, Dr Pepper. Et, je voulais dire, il y a un trou du cul tout à l'heure là que j'ai entendu là. J'étais dans ma canette là. Ouais. J'écoutais la radio, ouais. Et donc je voulais simplement dire au mec là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas. Et ce qui peut traduire Pepper. Pepper. Ouais. P E P P E R. J'arrive la fesse. J'arrive la seuf. Ouais. Et bah, et quoi, ouais. Oui. Bon allez, fais ça, fous le camp. Madame Pavachko. Oui. Ouais. Écoutez, le petit Jello. Ouais. Oui, je l'ai bien connu, hein. C'était un très mauvais élève. Ah alors, bon. Oui. Mais c'est qui ça, Jello? Je connais pas. Mais c'est la brutie qui a chanté cette chanson minable que vous venez de passer. Ah oui, mais pourquoi vous. Oui d'accord Madame Pavoschko. Maxou, en direct de Bikini Bottom. De Bikini Bottom. Où il fait ses études de cuisine. Tout à fait, après mes examens, tu pourrais une fois passer, hein, t'es le bienvenu. D'accord, je te remercie Maxou. Bobby B. Oui bonjour, j'ai pourtant été clair, je vous ai posé une question bien claire. Quelle est votre marque de bonbons préférée? Je passe ça. Bonjour à Nadia Le Prince au passage. Okay. Jean-Jacques Dulac. Oui, tu m'as pas écouté. Ma passion dans la vie, c'est le découpage. D'accord, Jean-Jacques, allez, dégage d'ici, tu m'as saoulé. On va faire un dernier tour, histoire de se dire au revoir. Bobby Behe. Oui, non, mais c'est important parce qu'on se voit demain. Non, on se voit demain. Il faut me dire les bonbons. Je ne mange pas de bonbons, t'es idiot, tu le fais exprès. On se voit demain. Oui, mais je ne mange pas de bonbons. Ah. Moi, perso, je mange pas de bonbons. Donc, vois avec les autres. D'accord. Ok. Je vois avec les autres alors. Mais c'est quoi? T'es en train de faire quoi? Il y a des mots de code là? On se voit demain? Oui, on se voit demain. D'accord, ok. Vous souviendrez de moi, je viens. Je allez, viens. Casse-toi d'ici, tu m'as saoulé. Thomas! Ouais. Conclusion, ma gueule, vite. J'en ai dédicace. Vas-y. Ma dédicace à toute la MSR de vie. Bon, allez, dégage, Dr Pepper. Bon, moralité, toujours en direct de ma canette, le Dr Pepper pique. D'accord, ok. Je le confirme en tant que Dr Pepper. Très bien, Dr Pepper. Allez, au revoir. Et puis Jean-Yves Lasseuf. Jean-Yves Lasseuf, l'annonce que tu l'as dans le cul. Très bien, c'est super drôle, ça dégage d'ici. Madame Pavochko, conclusion, madame. Oui, non, je voulais dire donc que le petit Jello, il fait vraiment n'importe quoi depuis qu'il a couché avec des esclaves dans un hôtel à New York. C'est vraiment de la merde. Très bien. Voilà. Au revoir Madame Pavochko, merci pour votre... Merci de m'avoir laissé m'exprimer. C'est normal, on aime tout le monde. Votre émission. Ok, merci madame. Mais je vous en prie. Au revoir. Et pour terminer, Maxou en direct de Bikini Bottom. Oui, Paul, juste pour dire aux auditeurs de toujours bosser dur pour ceux qu'ils aiment le plus. Moi, le jour où je serai cuisinier, j'aurai de l'argent pour m'acheter un escargot de compagnie et vivre le bonheur absolu ici à Bikini Bottom. Je le souhaite à tout le monde. Eh, Maxou. Oui. Arrête de te droguer, ma gueule. Allez, dégage. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas. Surtout. Car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça n'a pas de prix. Exactement, ça n'a pas de prix, je le confirme. Ouais. Allez, 2h02 sur Fun Radio, on va se faire le top tweetos. On va donc savoir quel est l'auditeur qui a été, comme d'habitude, le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Quel est le number 5? Christophe. Ah bah il n'a pas bougé de place lui. Hein. Numéro 4. Fred S34. Évidemment. Numéro 3. Vladimir Poutine. Numéro. Petite forme aujourd'hui. Oui, petite forme. Numéro 2. Nadia Le Prince. Et numéro 1. Le Bosniakov. Et bah voilà, le Bosniakov qui lui a déjà gagné, me semble-t-il. Mais oui, mais oui. On ira donc chercher celui qui n'a pas encore gagné dans les 5 premiers. Donc bah bravo à lui qui repartira avec un magnifique sextoy à faire part. Passage du désir.fr. Évidemment, on remettra le couvert dès demain à partir de 23h. D'ici là, prévenez vos potes, évidemment, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et puis, on va se faire le générique de fin maintenant. Alors, attention, ouais, c'est parti. J'ai la musique, contrairement à hier. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi, l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Oh le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front, au PD que tire. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je vais te couper la tête avec mon pénis, ok? Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoff, te sucer toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, allez hop, une bonne chose de terminer, comme je le disais, en quart de main à 23h avec plein de cadeaux encore à gagner. Et puis avec aussi les cadeaux pour les doux et pour la fête des mères. On remercie Nadia qui était là également ce soir. Il y avait Christophe, il y avait Mystique, il y avait Fraise 34, Virginie 66, il y avait Mamie Nova également qui était là, Stéphanie, bah oui elle était là. Il y avait qui d'autre aussi qui également là qui ont tweeté ce soir. Il y en avait beaucoup là ce soir qui avait tweeté. Jordan aussi qui était effectivement là tout à l'heure. Fraise 34, je l'avais déjà dit, Camille avec Kaka, il y avait Jordan également, il y avait qui avait d'autres, j'ai plus la liste sous les yeux, il y avait également, où est-ce qu'il est, je ne sais plus, bah Mamie Nova, je l'avais déjà dit, bon bref, tout le monde était là en tout cas, quoi qu'il en soit ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve demain. Il y avait le boss Jacob, je suis con, voilà, en plus il a fini premier, il voulait venir voir Poutine aussi. Rendez-vous demain à partir de 23h. Polo qui va faire quoi ce soir? Je vais aller dormir. Il va aller dormir, très bien. Tof qui va aller baiser? Non, je vais aller me branler ce soir. Ah d'accord, ok, très ouais, bien. Pas de... Juste une petite branlette avant de dormir. Avec un bonne petite soirée. Et Sandro? Ah, dodo. Et une petite branlette aussi. Je vais me toucher ma grosse, je te prête mes doigts. Génial. Allez, bonne nuit tout le monde. Amusez-vous bien, profitez bien du temps si vous allez à l'occasion. Et puis bah sinon, bah bon courage pour demain, les cours, le taf. En quart demain, 23h sur Fun. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god, Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio.